but de cette finale. C'est fini. C'est fini, Loulou Nicolas. Montpellier, René Girard, il se brise magnifique. Premier mot, Montpellier. Ils sont champions de France. Regarde. Et où la bataille était le mal. La bataille était le mal à ce moment-là. On est les champions, putain! On est les champions! Bonsoir à tous et bienvenue sur Sport & Chill, c'est l'épisode 16 de la saison 3. Ce soir, donc, grosse émission, je la sens bien cette émission ce soir. Moi aussi, tiens. Avec des bons chroniqueurs. À ma gauche, il y a Dimitri et Théo, salut les gars. Salut. Salut à tous. Et à ma droite, j'ai osé les mettre ensemble, attention aux dégâts. Ce duo terrible. Tim et Guillaume à ma droite, salut. Salut à tous, salut. Salut les poulets. Ce soir donc on va parler donc des débuts des championnats d'Europe de handball notamment, le point aussi sur l'Australian Open qui a commencé ce matin, donc début des grands chelems, début de la saison tennis. Tout à fait. Le point sur les qualifiés également en Champions Cup, c'était Coupe d'Europe en rugby ce week-end. Le sport montpellierain ce week-end, c'est 5 victoires, un match nul et 2 défaites, donc plutôt positif, ouais. Et aujourd'hui donc émission spéciale puisque nous recevrons Aurélie Godet, donc c'est une jeune rideuse ou comme vous préférez. Qui viendra nous parler donc de son sport tout à l'heure avec son père, mais aussi avec son préparateur physique, donc Romaric Linares, si je me trompe pas. Ce sera environ vers 19h50 pour ceux qui veulent suivre cette interview. On va commencer tout de suite sur Sport & Chill. Sport & Chill, tous les lundis de 19 à 21h sur Radio Campus Montpellier. Et on commence avec le football. On va essayer de pas trop parler de football puisqu'on avait bien parlé la semaine dernière, si ce n'est trop parlé. Ça suffit. On parle donc de Bundesliga. Très rapidement, je donne les résultats principaux. Il y avait deux matchs principaux. C'était le Bayern contre le Bayern. Et c'est le Bayern qui a pris, donc qui a gagné 3-1. Étonnamment. Même score, donc 3-1 pour Leipzig qui gagne contre Schalke. Mmh. Ce qui fait qu'au classement, donc le Bayern est premier avec 13 points d'avance. Donc c'est déjà bien parti. Ouais. Comme en première ligue d'ailleurs. Leipzig qui fait une belle affaire quand même. Leipzig deuxième, ouais, qui fait une belle affaire. Confirme, hein. qui passe devant Schalke, Dortmund et Leverkusen, donc c'est les 5 premières places. À côté en Ligue des Champions, ils ont été cohérents. C'est actuellement la deuxième meilleure équipe en Allemagne, donc c'est logique. Quoi. C'est une belle équipe. Quoi. En Liga, grosse surprise en Liga, puisqu'il y a eu un hold-up, on peut dire ça comme ça, puisque Villarreal a été gagné à la toute fin au Bernabéu, donc 1-0 pour Villarreal contre le Real Madrid. C'est bien le Real qui a coulé, non pas le sous-marin jaune. Voilà, il est mort. Il commence bien. Quant à l'Atlético qui gagne également 1-0 contre Eibar et Valence qui gagne également 2-1 donc contre La Corogne, c'est à l'extérieur. Et là, j'ai pas le score, mais je crois que c'est fait 4-2, je crois. Oui, Barcelone. Oui, 4-2. Barcelona a terminé 2-0 d'ailleurs. Et ce petit coup franc de Messi, c'est un petit bijou. Le but de soirée est pas mal aussi. Hein. Ouais. Au classement, donc Barcelone prend de l'avance, 9+9 sur l'Atlético, et Valence qui reste 3ème, le Real a 8 points de retard sur Valence, à savoir donc plus 2, 10, donc c'est vraiment très loin du Barça. Ah ouais, c'est fini là. Oui, là c'est sûr, mais même la menace sur le podium, le Real, attention. Ouais, 3ème place, pas plus quoi. On commence à être loin maintenant, cette 3ème place. Donc, valider déjà peut-être la 4ème, voire la 3ème. La 4ème, c'est menacée par Villarreal aussi, je crois. C'est la 4ème quand même qualificative aussi. Faut réagir et vite là. Est-ce que c'est déjà gagné pour Barcelone? Oui, quasiment sûr. Pour Angleterre, je pense, à part une catastrophe. Je pense que le principal concurrent, ça sera l'Atlético pour moi. Je vois bien Valence un petit peu redescendre de pire en seconde partie. Ça commence déjà, on va dire. Par contre, pour l'OL, c'est tout l'argent sur la Ligue des Champions, quoi. Parce que sinon, ça va être très dur. C'est le seul qui pourrait sauver. Je vous repose la question de la semaine dernière. Est-ce que si Zidane fait une mauvaise saison, est-ce qu'il est. Il est non, il a prolongé d'ailleurs. Moi, je pense qu'il a, un crédit d'une année en plus, je pense. Vu les débuts en trompe qu'il a fait, quand même, qui ont été historiques, je pense qu'il aura eu. Même s'il ne gagne pas grand-chose cette année, il aura l'année prochaine encore un crédit. J'ai un doute sur le fait que Florentino Pérez lui accorde encore la confiance s'il perd son 8ème de finale de Ligue des Champions. Ça ferait défaite en 8ème de finale de Ligue des Champions, 4ème, 3ème place. Ça dépend la manière. Je suis pas trop d'accord. La manière. Après, je pense que si effectivement en Ligue des Champions, imaginons, ils sauvent avec le Coupe du Roi, enfin, sauvent entre guillemets, parce que c'est rien pour le Real. Mais après, oui, le début d'année prochaine sera déterminant, ça c'est sûr. Il faut avoir du résultat. Après, il faut aussi concevoir que c'est quand même des cycles. Ils ont fait 3 finales en 4 ans. Même si ça reste le Real, ils peuvent pas gagner tout le temps. Oui, c'est sûr. Mais le Real, après, en termes de patience. Le palmarès de Zidane. Avant Zidane, il y a eu des changements d'entraîneur. pour Real Madrid, ils n'ont pas forcément de la patience. C'est sûr, le club le plus impatient d'ailleurs. Ouais, c'est pour ça que je dis ça. Donc, à mon avis, il faudra vite réagir. Ça reste Zizou. En première ligue, Chelsea a concédé le match nul 0-0 contre Leicester. Troisième d'affilée de. Et du coup, c'est la première fois dans leur histoire que ça leur arrive. Troisième 0-0 d'affilée. Mais il est partant, donc c'est la fin. Les Spurs qui gagnent 4-0 contre Everton avec toujours un énorme Harry Kane qui, je crois, marque un doublé. Ah, il me régale avec PSG. Il marche sur l'eau. Tu m'étonnes. Arsenal qui perd 2-1 contre cool, Bournemouth, je peux le dire. Ouais. Et le gros match du week-end en Angleterre, je sais pas si vous l'avez vu. C'est rare que je m'arrête de regarder des matchs en anglais là. Celui-là, je me suis vraiment régalé. Liverpool City, donc Liverpool qui gagne 4-3 contre Manchester City. Qui gagne 4-3 contre Manchester City et qui est donc la première défaite de Manchester City cette année. Quel dommage qu'il se soit éteint vers les dernières minutes à cause de ce clipage. Ouais, sinon, j'aurais gagné mon pronostic, mais bon. Dommage. Bon, ça veut dire que t'avais quand même misé à la victoire de Liverpool. Ah oui. Ah bah c'est du coup. Du coup, il y a quelqu'un qui est content, c'est Arsène Wenger qui reste toujours invaincu avec son équipe en première ligue en 2004, si je me trompe pas. Ah oui, pardon, c'est invincible. Et d'ailleurs, c'est un but d'Oxlade-Chamberlain, je crois, sur le quatrième but. Du coup, ça fait qui était un joueur d'Arsenal auparavant. C'est l'ouverture du score, je pense. C'est l'ouverture du score. Ouais, il perd leur invisibilité. Mais oui, quel régal, parce que honnêtement, je suis. Pas un grand fan non plus du football anglais, je reconnais qu'il y a pas grand chose à football ça. Non mais après voilà, je suis pas comme tout, il y a beaucoup de en France il y a beaucoup d'admiration pour le championnat anglais. C'est vrai. Moi c'est autant pas pour le championnat espagnol pour moi. Hein ? Non. Je suis pas tout à fait sûr. Les joueurs sont autour de moi, j'ai quasiment plus de fans de la Liga que de la première ligue. Bon, enfin c'est un débat sans fin, mais après moi qui suis je regarde pas tout le temps le football anglais, ça m'arrive de temps en temps, celui-là je voulais pas le louper parce que c'est deux équipes qui me plaisent dans le style de jeu et effectivement en termes d'intensité et de jeu offensif, je me suis vraiment régalé parce que certes il y a des armes des deux côtés, mais une équipe comme Liverpool qui vient de perdre Coutinho, et ça confirme un petit peu ce que je disais, on voit quand même qu'il y a un vrai collectif. La Klopp, on sent une empreinte qui est indéniable. Guardiola aussi. Notamment au niveau offensif où il y a de l'avenir. Il y a de l'avenir, il y a des Mané, Salah. Il y a des joueurs non seulement rapides, mais aussi assez techniques. T'as un Salah qui est honnêtement, je l'ai jamais vu à ce niveau-là, donc c'est. Ah, mais il est autant de savoir. Puis même. Pourtant, je l'ai bien aimé comme joueur, mais celui-là, des deux côtés, j'ai trouvé un très beau match. L'opposition entre les deux entraîneurs m'a beaucoup intéressé. Celui-là a plutôt bien tourné pour. Liverpool et l'issue a été belle et honnêtement en tout cas merci aux acteurs. Ce qui fait que donc City est toujours loin devant tout de même malgré sa défaite plus 15 sur United qui joue ce soir. Contre Stoke City. United qui est égalité de points avec Liverpool du coup qui passe 3ème devant donc Chelsea et Tottenham. Arsenal qui est 6ème et qui commence à être loin. Je pense que je les vois pas plus haut pour moi. Ouais, ça prend un peu plus de Serie A, ça ne jouait pas ce week-end donc prochaine journée dimanche. Et donc Ligue 1. Belle victoire de l'Olympique de Marseille. C'était contre Rennes 3-0. Nice qui, on n'en parle pas, mais qui confirme et qui revient, qui remonte dans le classement 1-0 contre Amiens. Sur les 6 derniers matchs, c'est 5 victoires. Je laisse la parole juste après, je finis les résultats. L'AS Saint-Etienne qui gagne 2-0 contre le TFC, donc qui se sauve un peu. Lyon qui marque le pas un peu contre Angers, 1 partout. Et donc le PSG qui a gagné 1-0 hier contre Nantes, mais ce n'est pas de ça dont on a parlé hier, surtout le résultat, on en parlera plus tard. Je fais le classement et je vous laisse après parler. Le PSG a 11 points d'avance sur Monaco et Lyon. Marseille juste derrière ce duo a 1 point de retard. Est-ce que vous voulez parler sur un match en particulier que vous avez regardé J'ai l'impression que le match qui cristallise l'attention, ça reste quand même Nantes-Paris. Non seulement à cause du match parce ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu une équipe tenir tête comme ça à Paris. Tactiquement, en termes de discipline, c'est du Ranieri quoi. C'est du Ranieri, mais c'est quand même toujours remarquablement appliqué. Avec des joueurs qui s'investissent un maximum et qui jouent intelligemment surtout. Et voilà, on va pas se cacher que l'issue aurait pu être différente et qu'il aurait pu avoir un match nul. Ouais, moi ça fait un petit moment que j'admire le travail de Ranieri, même pas forcément dans le style de jeu parce que j'aime les entraîneurs qui ont une vocation beaucoup plus offensive. Qu'on aime pas, il a une patte, c'est un jeu marqué. Après voilà, il y a une patte, il y a une tactique qui est mise en place qui est souvent respectée par ses joueurs. C'est un mec qui intéresse, qui fait adhérer ses joueurs, qui force le respect, qui fait adhérer ses joueurs. Et franchement, avec l'équipe qu'il a depuis le début, je le dis, parce qu'il a une équipe très moyenne quand même quand on regarde Kamarka. C'est pas mieux que Nice pour tenir tête. Encore tu es sympa, très moyen. Non, au niveau méchant, tu vois, j'essaie de modérer le propos. Pour tenir tête comme ça à Paris, qui certes n'était pas dans un grand soir, mais j'ai trouvé très intéressant dans l'implication, dans la discipline tactique, j'ai trouvé un très beau match de Nantes. Il y a eu un gros pressing quoi, dès le début. Ça a été respecté jusqu'au bout, et même physiquement, ils ont bien tenu. Je trouve qu'il y a eu un beau travail de fait de Ranieri depuis le début, c'est sûr. Moi, j'ai une mention spéciale pour un club qu'on ne parle pas beaucoup, mais qui fait son bonhomme chemin, c'est Lannavo Guingamp. Je ne sais pas si vous avez regardé depuis le mois de décembre, très belle série. Ils ont gagné à la Meno. Brillant, et des joueurs qui sont revenus en Ligue 1 se racheter. Cette équipe est 7ème du championnat, donc attention au Gegenpress. Un facteur commun toujours, c'est Comboiré tout de même. Comboiré, ouais, ça joue en plus. Hein, ça avec joue toutes pas les trop équipes mal, qu'il a entraînées, il s'est toujours sorti avec des plus équipes bien, ouais. plus ou moins bonnes. Ils sont invaincus sur les 8 derniers matchs avec 6 victoires. Donc, ouais, ils sont sur une très très bonne série. Voilà, c'est pas si mal. Parce qu'il a fait du bon travail avec Valenciennes, avec Paris, il était pas. Il était tout seul d'être mauvais. Il était premier, champion. Moi, je me rappelle évidemment avec Lens où il y avait une équipe vraiment très très moyenne encore. Je suis très sympa avec il ça il a réussi à, faire a réussi aussi, à, ouais, à sauver un peu le club et puis avec Guingamp il tout en fait pas beaucoup pour ouais. Mais je pense que c'est un entraîneur qui a besoin d'un cocon quoi. Là où il a marché, non, c'est oui, des clubs confiants, je pense qu'il mérite mieux, etc. Je pense que qu'il mérite plus comme ça. Je suis d'accord avec ce que tu disais. Je pense que l'expérience Paris l'a refroidi, tu vois. De se faire jeter comme ça alors qu'il était premier quand même et que franchement il met son équipe vers le titre. Des clubs plus modestes. Moi je verrais plus un club presque, on va dire, du haut de classement en première ligue, c'est-à-dire un Everton, quoi que ce soit, ou même, moi je verrais bien l'Olympique Lyonnais vraiment faire quelque chose. Moi, étant supportable à Lyonnais, j'espère que non, mais. Je pense pas que j'appelle l'entraîneur, mais je pense qu'il collerait pas à l'image du club et aux ambitions lyonnaises. C'est deux très forts caractères. Ouais, mais plus maintenant, quoi. Oui, mais non, mais je pense. Les gars, on peut pas dire que Genesio, c'est un super fort caractère. Ça colle bien avec Colas. C'est un mec comme Comboiré qui a quand même un caractère super fort. Ça peut faire des intercelles avec Colas. Allez, on continue. Petit mot sur Saint-Etienne, quand même, qui, malgré la manière, a réussi à sauver, on va dire, avec l'empreinte gassée, avec des tripes, un peu d'efficacité, parce qu'il y a un baggage qui est revenu, donc forcément ça fait un peu de bien. Ce n'est qu'un pas pour l'instant. Bon, après, il y a du boulot, hein, parce que dans le fond, il y a pas grand chose, mais c'est vrai que les recrues vont. Si le penalty est pas arrêté. Pareil, Lille avec Rudy Garcia, ça va. On sent qu'il y a un truc, il a apporté quelque chose, une rigueur tactique qui lui en manquait. C'est déjà ça. Et d'ailleurs, si je peux me permettre, apparemment, c'est quasiment officiel pour Ntep. Pour Ntep, ouais, qui a préféré le projet de Saint-Etienne où il était placé en titulaire en force plutôt que Nice, apparemment, où il était en concurrence avec Nice, Mégou et Pierre. Ok. Gassé était plus chaud pour le faire venir. Très bien. Super. Ça peut être sympa. Ouais. Avoir l'état, mais c'est... Ouais, c'est ça. On passe au rugby tout de suite avec les gars, s'il vous plaît, on passe au rugby tout de suite avec la Coupe d'Europe qui s'est jouée ce week-end. Théo, je t'en prie. Ouais, on va peut-être faire poule par poule. Du coup, première poule, c'est la poule de La Rochelle. La Rochelle qui s'est inclinée en Ulster. Donc, c'était un peu l'enfer pour les Rochelais. On leur prédisait ça à Belfast. Et finalement, le combat, il a été rugueux, il a eu lieu. Et les Rochelais ont bien résisté. Et ils ramènent un point de bonus défensif et surtout ils empêchent les Nord-Irlandais de prendre le bonus offensif. Et alors, du coup, vu que l'Ulster et les Wasps s'affrontent, donc l'Ulster qui est premier et les Wasps troisième, si La Rochelle a une victoire bonifiée, normalement ils seront qualifiés sans problème. Voilà, donc dans la poule, c'est premier Ulster, deuxième La Rochelle, 17 points et 16 points. Dans la poule 2, la poule de Clermont, c'est la défaite encore de Clermont, c'est la quatrième défaite d'affilée pour les hommes de Franck Azéma. Pourtant, ils sont toujours premiers, si je ne me trompe pas. Ils sont toujours premiers avec 18 points. Ils ont toujours leur destin en main. Bon, alors, sur un peu quelques mots sur leur défaite, ils ont eu un énorme passage à vide. Je pense que tu vas me reprendre, Dimitri, mais ils ont eu un énorme passage à vide en seconde période où ils incrossent 3 essais, un peu comme Montpellier, mais on en parlera un peu plus tard. Alors qu'ils menaient pourtant à la mi-temps 15 à 10. Je pense que clairement, son problème, c'est l'infirmerie. Ouais. Surtout au poste de 10. Où McAllister vient de revenir, c'est vraiment l'infirmerie cette saison pour eux. Ouais, non, eux, ils ont vraiment un grave problème d'infirmerie et les jokers médicaux se blessent ou ne sont pas forcément au niveau. Donc, sur la poule, premier Clermont, 18 points, deuxième Ospreys, 15 points, troisième Saracens. Normalement, ça devrait faire pour Clermont. Poule 4, la poule du Racing, super match, peut-être le meilleur match de cette journée entre le Racing et le Munster. Donc le Racing qui s'impose 34 à 30 face au Munster. Et du coup un joueur à retenir de ce match, c'est Maxime Macheneau, qui a inscrit quasiment tous les points au pied. Il loupe juste une transformation, il me semble. Et ça a été, on sait que les Munstermen sont costauds. Et le Racing était mené à 6 points d'avant jusqu'à la 63e minute. Ils ont su relever la tête et l'emporter à la toute fin de match, dans une fin de match superbe. Petit mot sur le Castres Olympique qui remporte 39-0 sa partie face au Leicester. Donc premier le Munster, deuxième le Racing. La poule du RCT, le RCT qui s'impose 36-0 face à Trévise. Bon, c'était les Italiens, on sait qu'ils ont du mal en compétition européenne. Donc essai de Bello, doublé de Tuisova, essai de Bastoro et de Trinduc. Et juste un petit résultat dans la poule du MHR qui est un résultat qui est important, c'est la large victoire du Leinster 55 à 19 face à Glasgow, et le Leinster qu'on recevra samedi 20 janvier pour une victoire qui sera importante, mais on reparlera du MHR un peu plus tard. Exactement. Donc et juste dernière chose sur on sait que c'est les trois meilleurs deuxièmes qui seront qualifiés en quart de finale, donc pour l'instant c'est les Scarlets, La Rochelle et les Ospreys qui sont qualifiés. Et la poule de Montpellier, malheureusement, c'est la poule qui a le moins de points, enfin, ou le deuxième a le moins de points, c'est Exeter pour l'instant, ouais. Donc ça va être compliqué pour la qualification. Ouais. Ok, on en parlera tout à l'heure de Montpellier plus précisément. On va passer à la NBA. Donc, Guillaume, je t'en prie. Alors, en résultat notable, il y avait un choc entre conférences. Donc, Warriors qui ont gagné de justesse contre les Raptors. À noter quand même une nouvelle défaite cette semaine des Cleveland Cavaliers contre les Pacers, qui n'est pas une équipe... Non, pas forcément, dans les favoris, donc ça fait déjà beaucoup de défaites pour Cleveland, ça fait 27 je crois maintenant. Et quoi? Aussi 27 déjà. Non. Ou 29 même. Attends, quoi, 27 défaites cette saison que tu me parles? Non, 12, excusez-moi, je me trompe dans les chiffres. J'ai trompé, c'est la troisième défaite d'affilée. C'est la stat que je voulais prendre. Et après, j'avais en duel d'outsider, j'avais le Thunder aussi qui est un petit peu fragile en ce moment et qui perd contre les Wolves de quasiment 20 points. Ok, au classement. Alors, au classement, c'est statu quo. On a le Boston qui est esselé face à Toronto qui est deuxième toujours, et Cleveland qui reste difficilement troisième. C'est à l'est, ça, ouais. Ouais, à l'est et à l'ouest, j'ai toujours les Warriors qui sont solidement en tête, qui même distance Houston un petit peu, et les Spurs aussi qui sont juste derrière à égalité avec Minnesota. Ok. Tu voulais... Non, c'est bon. Il a tout dit. Alors, on passe à notre sport qui va être important, là. Qui est important puisque c'est la reprise. C'est le tennis et notamment quelques résultats de la semaine, et aussi l'Australian Open qui vient de commencer. Ouais, alors il y avait des 250 juste pour la préparation de l'Australian. Il y avait Sydney et Auckland chez les hommes. À Sydney, c'est Medvedev qui s'est imposé. À Auckland, c'est Bautista qui a d'ailleurs sorti Del Potro, donc bravo à lui. Et chez les femmes, à Sydney, c'est Angélique Kerber qui s'est imposée, et il y avait Hobart, c'est un nouveau tournoi. Hobart. Je crois que Cornet avait gagné, c'est pour ça que je m'en rappelle. C'est un des rares tournois qu'elle a gagné, donc. Mais là, c'est Mertens qui s'est imposé face à ce diable de Bozanescu. Et alors, l'Australian Open qui a donc démarré cette nuit. Il est temps. On va commencer par les femmes. On a noté l'élimination surprise de Peng, qui était tête de série, qui a perdu contre l'illustre inconnu Kostiuk, 6-2-6-2 d'ailleurs. Qualification de Wozniacki, Mertens, Kasatkina, Gavrilova, Svitolina, Ostapenko, donc pour les têtes de série. Et par contre, autre élimination surprise, c'est Coco Van de Veeg qui a fait, vous savez, demi à l'US Open, qui a perdu contre Timea Babos. J'ai vu qu'il y avait une sale nuit pour les Américains avec l'élimination de Sock et de Isner aussi également. Elle est terrible celle-là. Je les avais pariés en plus, donc j'étais bien deg. voilà. Et chez les hommes, j'ai trouvé pas mal de surprises et de résultats surprenants. Je pense que celui qui m'a le plus surpris, c'est l'élimination de Sock qui perd contre Tsujita, en 4-7 en plus. Élimination aussi de Kohlschreiber contre un autre japonais, Nishioka. C'est diable de Nippon. Il s'énerve. Élimination de Kim Anderson en 5-7 contre Kylian Moon. C'est deux joueurs au profil un petit peu similaire, mais on s'attendait quand même à mieux venant d'un finaliste à l'US Open. Isner qui perd, donc, comme tu l'as dit, contre Matthew Ubden, un Australien. Élimination de Herbert, ça c'est pas très surprenant, contre Istomin. Par contre, il y en a une un peu plus surprenante, c'est Pouille qui nous régale. Hein. Cinquième first d'affilée à l'Australian. On en parlera tout à l'heure. Voilà, donc bravo à lui. Espoir déchu. En combien de sets? En 4-7. En 4-7. Les Belges, est-ce qu'ils sont decks de ne pas avoir mis Ben Elmans en finale de Coupe Davis? Ils n'auraient pas pu être pire que Steve Darcy. Hein. Guillaume, t'as bien fait de mettre Mancoul. J'aurais pu le mettre Pouille aussi. Après, mais... un autre résultat notable, j'ai Nadal qui a mis une fessée à Estrela Burgos, 3x6-1. Ça passe pour Bagdatis, un joueur que j'aime bien. Kyrgios qui s'est baladé. Ouais. Chypriote. Ouais. Exactement. Il a quel âge? 43 ans, lui, maintenant. Bagdatis, à mon avis, il a 38 ans. Ah ouais, c'est plus vieux. Il approche de 40. Ouais. Super vieux. Qualification de Tsonga et Simon, tous les deux en 3-7. Élimination de Ferrer contre Rublev, mais ça, c'est pas très très surprenant. Rublev, c'est un petit jeune russe qui monte. Puis Ferrer, ça commence à être la fin. Ouais, ça commence à être la fin. Ouais. Physiquement, on le sent. Ça passe pour la petite pépite, chapeau Valoff. Je sais pas si tout le monde le connaît ici, le Canadien. Je peux vous dire que c'est du délice à voir jouer. Et après, ça passe pour Dimitrov, Cilic, Karino Busta, Cuevas, Gilles Muller. Voilà. Ok, très bien. Surprise. On passe au ski alpin et donc il y a eu donc encore une semaine juste à Wengen en Suisse. Ouais. Chez les hommes, c'est victoire surprise, enfin pas surprise, mais. Ouais, c'est pas une surprise, mais en tout cas il avait le dossard 1. Donc on n'attendait pas forcément qu'il gagne la course, mais c'est Bad Fuzz qui l'a remporté. Et, franchement, je veux dire, lui, ouais. Ça aurait pu être un de mes coups de cœur, mais vraiment la descente de Wengen, elle est vraiment magnifique. Surtout, ça faisait un ou deux ans qu'il n'y avait pas pu la faire totalement. C'est la plus longue descente de l'année, et franchement, c'est vraiment un régal à voir cette piste. Il y a donc victoire de Victor Mifflandé, donc Victor Mifflandé sur le combiné, ouais. Superbe. En plus, il a eu un début de saison difficile, Victor, donc ça va lui faire du bien juste avant les Jeux Olympiques, et il se place dans la discipline technique, on le sait, le géant et le combiné. Et Marcel Hirscher, il avait, semble-t-il, pas fait la descente ni le combiné, mais non. Il s'est aligné sur le slalom et il s'impose. Et il gagne encore. Et Christophersen, son éternel second, qui fait deuxième, et Mirror troisième, il me semble. C'est Marcel, il est tout simplement impressionnant. C'est le favori pour les Jeux Olympiques et il va en avoir encore beaucoup de victoires. Au classement, donc, évidemment, Marcel Hirscher qui est solide leader devant ce dauphin favori. On le disait, Henrik Christophersen, le Norvégien. Et notre Français, Alexis Pinturault, qui est pour l'instant troisième. Ouais. Chez les femmes, il n'y avait pas de slalom, donc pas de victoire de Michaela Schifrin ce week-end. Mais victoire italienne au pluriel, puisque donc, c'est en Autriche à Bad Kleinkirchen. Superbe prononciation. Ouais, tu vas dire. C'est travaillé ça. Il a travaillé toute la semaine. Ça sent. Hein. Avec Brignone en Super G devant Lara Goute et Cornelia Wetter. Tiffany Gauthier qui est quatrième, la française. Même classement pour elle, quatrième le lendemain avec la descente, ultra dominée par les Italiennes, puisque les trois premières places sont des Italiennes. Ouais, Goggia, il me semble, Brignone et Fanchini. Ouais. Non, l'équipe italienne, que ce soit en homme. Ou en femme, une équipe qui est très très homogène et qui peut rapporter beaucoup de médailles, et je pense qu'ils vont en rapporter au JO, peut-être pas celle en or, mais ils peuvent en rapporter. Au classement, donc Michaela Schifrin toujours leader devant la Suissesse Holdener et la Slovaque Petra Vlova. À noter donc que Tessa Worley plonge au classement puisqu'elle figure à la 10e place. Il y avait du biathlon également avec un week-end à Ruhpolding en Allemagne. Le relais homme, deuxième place pour les Français derrière la Norvège et devant les Russes. Avec donc le relais, c'est Destieux, Fillon Maillet, Fourcade et Guignona. Ouais, très jeune et qui monte très très vite. Et le relais femme, 9e place, malheureusement un peu décevant des filles qui terminent loin derrière les Allemandes qui ont fini première. Du côté des Françaises, on a eu des gros problèmes de tir, ça a été reconnu par l'entraîneur, et elles n'ont jamais trouvé les réglages à Ruhpolding. Breza sur la Mastart, tu vas en parler, mais Breza, Bescon, c'était vraiment pas terrible. Il y a juste la petite Chevalier qui a fait une bonne une place d'honneur. À la Mastart. Exactement. Sur les hommes, je te prends un peu de cours, mais. Vas-y, je t'en prie. Hein. Sur la Mastart, c'est Fourcade et Guignona. Donc Fourcade 2e, Guignona 3e et Fillon Maillet 4e. Et l'éternel Jonas Beu, merci, qui l'emporte. Et ça va. Bon, c'est le duel qu'on annonce depuis le début de l'hiver, c'est Johannes contre. Contre Martin Fourcade, à voir ce qui va se passer. Ouais, chacun a gagné sa course, ouais, Johannes a gagné le Mastart et Martin Fourcade a gagné le 20 km homme. Et chez les femmes, italienne encore, donc Vireur. Dorothea Vireur, ouais. Si je le prononce bien, qui s'impose, la première française, donc Anaïs Bescon est 8e. Ouais. C'est Chevalier, je crois, qui est 8e. Chevalier qui est 8e. Sur la Mastart hein, non, sur le 15 km femme, c'est Anaïs Bescon qui est 8e. Sur la Mastart, c'est Anaïs Chevalier qui est 9e. Hein. Exactement. Au classement, Martin Fourcade reste leader, même si Johannes Beu est loin d'être lâché, juste derrière. Chez les femmes, Makarainen, la Finlandaise, est première devant Kuzmina, Justine Brezage, qui est 4e de ce classement. Au handball, grosse semaine d'handball puisque c'est le début des championnats d'Europe de hand en Croatie. L'équipe de France s'est imposée dans la douleur pendant ce premier match face à la Norvège, c'était 32-31. Les Bleus ont quand même couru au score pendant plus de 40 minutes dans ce match, avec une fin de match très tendue avec de nombreuses exclusions. La France a repris l'avantage à la toute fin grâce à notre Michael Guigou national qui donne la victoire à l'équipe de France. Deuxième match était hier. Et donc victoire plus facile pour les Bleus avec 33-26 contre l'Autriche. L'occasion de laisser au repos notamment Nicolas Karabatic ou encore Cédric Sorrendo. Donc ils ont pu faire tourner un peu plus. Les Bleus sont qualifiés, déjà qualifiés. Ouais. Après deux victoires, mais devront se classer premier et ils reçoivent donc le Belarus au prochain match. Je ne sais pas si c'est demain ou après-demain. Ce qu'il faut à dire, c'est que sur le premier match, on joue la Norvège, donc qu'on avait affronté en finale très régulièrement. Et là, c'était un match en fait qui comptait déjà pour les demi-finales, parce qu'en fait, c'est un peu compliqué si t'es en handball. Il y a deux tours, un tour préliminaire, un tour principal. Mmh. Mais cette victoire était vraiment fondamentale pour accéder aux demi-finales et les Français l'ont magnifiquement fait. Le point sur les autres groupes, dans le groupe A, la Croatie, donc, qui est chez elle, est leader de sa compétition. Deux victoires pour l'instant contre l'Islande et la Serbie. La Suède est deuxième égalité avec l'Islande. Le groupe B, donc, c'est celui de la France. Les Français sont évidemment premiers. La Norvège s'est reprise hier en s'imposant contre le Bélarus. Bélarus qui sont eux troisième. Le groupe C et D, ça joue actuellement, donc en ce moment, donc Hongrie, Espagne. L'Espagne pour l'instant gagne 22 à 20 à la 45e minute. Et Slovénie, Allemagne, la Slovénie qui est devant. Beau match d'ailleurs, Slovénie, Allemagne de plus 2. 19 à 17 au classement. On verra par la suite, puisqu'il n'y a pour l'instant qu'un match dans ce groupe. Donc c'est pas encore significatif. Ouais. Voilà, exactement. Le Dakar, on en parle très rapidement, puisque c'est en ce moment. En auto, c'est donc Peugeot 3008 DKR qui fonctionne plutôt bien, puisqu'ils sont premier et troisième. Le premier, c'est l'Espagnol Sainz. Carlos Sainz, ouais. Pas une surprise. Qui figure à la première place. L'éternel. Avec une heure d'avance. Une heure d'avance quand même sur le second qui est Qatari. C'est Alatia. Alatia, exactement. Et notre monsieur Dakar, à savoir Peter Hansel, qui est donc également avec une Peugeot 3008, qui s'offre la troisième place à avec son coéquipier français Cotré. À noter tout de même cette semaine l'abandon de Sébastien Loeb. Ouais. Malheureusement. Ouais. Hein. Et Peter Hansel, il est très en retard, mais aussi parce qu'il a eu une solidarité avec Carlos Sainz. Il a eu un problème de voiture, Peter Hansel. Et il a aidé Sainz à prendre de l'avance du coup. C'est ok, puis en moto, donc c'est le français Van Beveren, pas très. Ouais, non, pas très français, plutôt belge. Avec Yamaha qui se hisse à la première place avec seulement 22 secondes d'avance. Là, c'est beaucoup plus. D'avant, donc sur l'Argentin Benavides. Voilà. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter? Pas d'autres sports ou quoi que ce soit. Pas de boxe, hélas, ça va arriver. Ok, très bien. On passe à notre deuxième chronique, c'est les sports montpelliérains. Sport and Chill, le sport montpelliérain. Et on va commencer avec. Je suis allé donc cette semaine à la conférence de presse de l'Open Sud de France. Tu étais invité alors, c'est bon. Ouais, attention. C'était où si à la mairie cette année ou pas? On est dans les pieds. C'était à côté de la mairie, à l'hôtel Marriott. Alors attention. Ouais, c'est pas si mal non plus, quoi. C'est pas le F1 du coin. L'année dernière, on l'avait été bien reçu en tout cas. Donc si on est reçu, c'est que ça part plutôt bien pour Sport and Chill. C'est parti du groupe, quoi. Comme Benzema. Des bonnes nouvelles pour l'Open Sud de France, puisqu'il y a l'instauration du Hawkeye cette année. C'est un critère pour pas mal de joueurs pour pas faire certains 250. Ouais. Ouais. Donc c'est une bonne nouvelle. Je vous dis un peu ce qui se passe. Donc du 4 au 11 février 2018, 8e édition, village grand public. C'est la deuxième année qu'il y a un village grand public. Village évidemment Sud de France pour les partenaires, et lundi qui sera ouvert pour le grand public. Donc les nouveautés, closing party samedi, il y a une fête jusqu'à 2h à 3h du matin. C'est nouveau cette année. Okay, à l'Arena. À l'Arena, ouais. Donc, ils vont type faire du mix en closing. Normalement, ouais. En back to back. Comme je vous l'ai dit, le Hawkeye, donc arbitrage vidéo évidemment, mais aussi pour les statistiques. C'est-à-dire qu'entre dans les changements de côté, on aura des statistiques à la télé. Donc, sur les écrans, ouais, ça se bientôt un grand fan. Donc, du trophée de la Coupe Davis le mercredi. Stylé, donc, possibilité aussi, ouais. Pour le grand public de prendre des photos avec le trophée. Présence du président de la FFT, Goody Chelli, qui sera là mercredi également. Première fois qu'un président de la FFT vient en province, entre guillemets en province, à l'Open Sud de France. Et présence province. Également de Laura Flessel, notre ministre des Sports, qui sera présente mardi, le 6 février. Le gouvernement au bois fixe. En ce qui concerne la vente de la billetterie, 50% de plus que l'année dernière. Donc c'est bon à savoir. Notre ville qui va vivre au degré du tourisme et du sport. C'est beau ça. Vu bientôt les éliminations à l'Open d'Australie, il n'y aura pas de bon monde. Hein. Justement, je vais en parler. Tête d'affiche, donc pour l'instant, chez les Français, présence de 6 Français dans le tableau principal. Tsonga, Gasquet, Pierre Hugerbert, Chardy et Simon. Okay. Star international pour l'instant, Goffin. David Ferrer qui vient d'être éliminé, donc qui sera sûrement là. Ouais, Berdych. Et petite information, Le tournoi a contacté l'agent de Wawrinka, qui serait pour l'instant plutôt chaud. Qui est en reprise en plus, tranquille. Et ça, c'est bon à savoir. Et ça, si il fait un Open, un Australian Open moyen, c'est-à-dire qu'il est éliminé assez tôt, c'est possible. Fort probable qu'il puisse venir à l'Open. Là, en tout cas, ce soir, il joue Berankis. Non, pour moi, ça passe. Oui, futur star qui sera là sur le tournoi, Kachanov. Je crois qu'il a gagné, a gagné l'ATP 250 cette semaine, si je me trompe. Petite révélation. Non, mais il a fait demi. Danil Medvedev aussi. Ah, Danil Medvedev, oui, par contre. On en parlait tout à l'heure, qui a gagné. Ah, ça, c'est le trio de Russes. Hein, et un espoir grec, Tsitsipas, qui sera là aussi. Éliminé par Chapovalov, le Canadien dont je vous parle. Pour les puristes, c'est pas si mal, là. Il y a un bon plateau, il est meilleur que l'année dernière, j'ai pas peur de le dire. Mais t'as Goffin et Berdych déjà, et puis derrière, on a pointe, t'as quelques espoirs sympas. Et dernière information, il y a eu un contrat donc entre TV Sport Events et la ville de Montpellier et ainsi que la région Occitanie pour une durée de 5 ans en plus à Montpellier pour l'Open Sud de France. Ah, bonne nouvelle. Donc il va perdurer. Bien. Donc bien. Que des bonnes nouvelles pour l'instant pour le pour belle le évolution tournoi. Pour Montpellier continue d'être ensoleillé finalement. Il déclenche une vitesse, c'est bien. On va passer au football. J'y ai été également pour le match contre Monaco. Ah, partout. T'as assisté à ce fabuleux 0-0. Moi, je le sentais le 0-0, mais à 10 000. Ouais, mais 0-0 qui ne se reflète pas forcément parce que moi, j'ai assisté. Bon, j'ai vu beaucoup de matchs à Montpellier. J'ai assisté à beaucoup pire à Montpellier. Et là, franchement, il m'a été même presque de gagner, je trouve, face à un Monaco vraiment très faible sans Falcao. Ouais. Quand il n'y a pas Falcao. Ouais, Keita en pointe, ça s'est développé. Et tu vas confirmer le meilleur. Pour moi, de la rencontre pour Monaco, c'est Endoram. Donc, c'est pour dire. Le jeune, c'est quoi, c'est un milieu de terrain, lui. Ouais, milieu de terrain. C'est ils ont ramé, ça, c'est sûr. Bah, la double confrontation contre Monaco, ça fait deux matchs nuls. Un par quand même, le compte, encore une fois, quand même. Le compte et la défense, impressionnant. Très solide, toujours. Si c'est pas les latéraux, notamment si c'est pas Aguilar qui fait un gros match, c'est Roussillon de l'autre côté qui fait un gros match. Les deux sont très bons, la charnière aussi. On espère le croiser jusqu'à la fin de la saison parce qu'il est vraiment super plaisant. À noter quand même qu'Aguilar, moi, je l'ai su là ce week-end, il est français, Aguilar. Ah bon? Il est pas péruvien. Non. Ça fait un petit moment qu'il était dans l'ombre. On va commencer à regarder. J'étais persuadé qu'il était sud-américain. On peut s'enflammer, mais pourquoi pas. Il y a de quoi. S'il continue ça. Il y a tellement peu de concurrence à ce poste-là. C'est facile d'y venir. Après, tu vas confirmer juste pour terminer ce que tu disais. Je pense que dans le jeu, ils ont proposé un petit peu plus quand même déjà. Alors comment on m'avait dit, surtout à domicile. J'avais peur au début. Ils avaient tendance à fermer le jeu, surtout contre les gros. Là, apparemment, ils ont un petit peu plus joué quand même. J'avais peur au début parce que ça se dirigeait sur cette position-là, c'est-à-dire Montpellier derrière qui contre très rapidement, ils savent bien contrer et ils se projettent vers l'avant très rapidement. Et puis Monaco s'est éteint et Montpellier, notamment en deuxième période, a fait le jeu vraiment face à Monaco. C'est ce qu'on me dit. C'est jusqu'à ce qu'il y a eu des remplacements que là ça a un peu cassé le rythme. Parce qu'automatiquement il y a plus de bois à Monaco qu'à Montpellier. Ouais, forcément. Et puis à Montpellier, cette semaine, on a quand même pas mal écrémé, je trouvais, au niveau de l'équipe. On vend Berigo, un club chypriote. Ouais, mais des choix bien intelligents. On vend Pocorni, on vend William Rémy. Donc les joueurs, pas entre guillemets, qui n'étaient pas des pièces maîtresses. Mais tu gagnes en masse salariale du coup. Exactement. Donc c'est plutôt intelligent. Si avec ça tu permets d'avoir un vrai bon attaquant, ça pourrait être pas mal. Ou un milieu offensif en tout cas. Ou un milieu offensif, un créateur un peu. On parle d'un RCV. Je dirais plus un. Je prends un RCV à Montpellier. Je dirais plus un attaquant parce que là on a vu la faiblesse de Montpellier, c'est qu'il n'y avait aucun numéro 9. C'est dur, il n'y a pas de tueur. Giovannicio, c'est un mec qui fait le. Enfin, qui fait le. Pas la pointe, mais le. Les kebabs. Non, c'est pas Il fait le pivot. Le pivot, voilà. Un attaquant d'appoint. Mais c'est vrai qu'il lui faut un vrai finisseur à côté parce qu'en finition, lui. On a essayé de rentrer des gens. Mbenza qui est rentré. Mbenza, c'est un ailier. Ouais, t'as que des ailiers. Aucun. On avait Berigo, mais bon, Berigo, il va. Il vaut ce qu'il vaut, donc on l'a vendu. Donc pour l'instant, on a un numéro. Et même Casimir Ninga, c'est pas vraiment un vrai neuf. Pour l'instant, il a du mal à revenir un peu cette saison. T'as un roux à Montpellier, je dis pas non plus, non, quoi, tu vois. Avec l'équipe qui a derrière. C'est un mec qui aurait bien Montpellier. Mais après, on avait dit pareil pour Berigo, finalement, la greffe a pas trop pris. Après, Berigo, il a moins de garantie que roux pour moi. Ouais, je suis d'accord. Un petit peu moins que. On va passer donc pour l'instant des bonnes promesses pour Montpellier. Toujours un vaincu face au top 4. Et puis on doit être toujours puis dans les 5 meilleures défenses d'Europe. Il y a un coup à faire. Voilà, on passe au MHSC féminin qui a gagné 3-2 contre l'OM. Donc si on peut appeler ça un derby. Une semaine donc après avoir débuté 2018 avec un succès en Coupe de France à portée 7-0, les féminines du MHSC retrouvaient le championnat pour la première de 2018 et se sont imposées contre l'OM. But donc de Sambran, Seyman et Caïman, je sais jamais si c'est Seyman ou Caïman. Caïman, parle du bébé crocodile, c'est Caïman. Hein. Voilà. Et Gauvin, très beau modèle. À la 65e avec une passe décisive de Yvain. pour les spécialistes de Kaamelott. Oh oui, le classement, c'est pas faux. 4 points derrière le deuxième qui est le PSG féminin, mais avec un match en moins pour Montpellier. Prochain match du championnat, pas avant le 4 février pour la 14e journée de D1, ça sera en déplacement à Lyon, malheureusement. Ah oui, là, c'est un gros match. Il y aura donc auparavant un match de Coupe de France le 28 janvier avec Albi, donc à domicile. On va parler du rugby et malheureusement une des deux défaites de Montpellier. On va faire bref, hein, y a pas eu match. On a affronté le champion d'Angleterre. C'est l'humiliation. Enfin, en fait, on a tenu un match très fermé en première mi-temps. Je crois qu'il y a 10 points d'inscrits en tout. Et en fait, on prend la valise à partir de la 50e minute. On a subi tout le match, en fait, c'est, etc. Pour vous dire, c'est un jeu qui est très aérien, en fait, qui est très rapide. Et c'est ça relance beaucoup au pied. Ça joue très rapidement au niveau des temps de jeu. Ouais, il y a beaucoup de temps de jeu et des transmissions, c'est très rapide. Montpellier, on sait que c'est un peu plus brut de décoffrage. On a une défense très solide, mais à force de faire les suglaces, forcément, ça finit par passer. Ouais, ils nous ont mis tarif. On perd 41-10. À noter, on a problème de neuf à Montpellier, on a dû faire jouer le quatrième neuf, c'était un géorgien de 18 ans qui s'appelle Aprasidze, qui s'en est pas trop mal sorti pour son match de l'enfer un peu. Voilà, c'est son premier match officiel avec Montpellier, il joue face au champion d'Angleterre. Ouais, tu l'envoies au courage, tu lui dis. Donc fais du mieux. C'est terminé pour toi. Ça va être compliqué. Franchement, déjà, il faut faire le bonus offensif contre Leicester. Donc Leicester, pour moi, c'est des favoris pour le titre en Coupe d'Europe. Donc une victoire contre Leinster, ça sera bien, ça sera devant le public. Malheureusement, ça ne suffira peut-être ça pas. Ça suffira pas, ça c'est sûr, ça suffira pas. Il faut que ça soit bonifié absolument. Ouais, absolument bonifié. Et puis il faut espérer que Glasgow Warriors fassent quelque chose. Ils seront à domicile, Glasgow, donc on peut espérer qu'ils se battent un peu plus. On est public écossais, c'est leur ferveur. Au niveau du rugby féminin, victoire donc du MHR féminin ou MRC, c'est comme vous voulez, face à ASM Romana qui est clairement. C'est une pizza ça, la Romana. Non, c'est un club de rugby féminin, donc 31-10. À noter ce qui est intéressant ce week-end. Ce qui est intéressant ce week-end, c'est la défaite de Lille face à Bobigny 20-18, ce qui fait repasser les coccinelles en première place. 38 points contre 36 pour VA ou Lille. VA, Villeneuve d'Ascq ou Lille, ils changent de nom toutes les semaines. Ouais, parce que sinon, on peut penser à Valenciennes. Ouais, c'est ça. Prochain match pour les filles, dimanche 21 à domicile, donc à Sabaté contre justement les Rugby Women de Bobigny qui ont battu Lille. Bon, attention, match piège, genre, du coup. En domicile, j'espère que ça devrait aller. Ça devrait faire. MHB, donc c'est la trêve internationale, puisqu'il y a eu le championnat d'Europe de handball. BLMA, c'était la Coupe de France, donc pour le basket féminin, 64-59, donc victoire des Gazelles face à Tarbes. À noter donc la belle performance de Roman Bernise notamment, et les Héraultaises retrouveront Bourges, Villeneuve d'Ascq ou Charleville-Mézières. Le tirage au sort des demi-finales aura lieu vendredi 19, donc ce vendredi. Pour éviter Bourges, quoi. Surtout. Prochain match mercredi en Coupe d'Europe face à Schio, les Italiennes, et samedi en championnat à l'extérieur face à Charleville-Mézières. Le volet victoire, et Montpellier signe une troisième victoire, succès d'affilée, donc en battant Toulouse à domicile 3-7-1, donc dans le derby de l'Occitanie. À noter les 29 points dont l'international français Jean Patry. Au classement, Montpellier, malgré donc sa forme, reste 6e, mais reste collé au peloton de tête, contrairement au 7e qui est Ajaccio, qui décroche. Donc Montpellier a 23 points, soit 7 points de retard sur le premier Chaumont. Prochain match en Coupe CEV, donc la Coupe d'Europe en Biélorussie. Donc ce samedi en championnat aussi, c'est un match contre les premiers Chaumont à domicile. Courage. Futsal. Ah, je l'attendais. Défaite. Bonsoir. Défaite contre Paris. Ah, c'est défaite de trop. 5-4. Ouais. Malheureusement, donc un petit but. Classement, Montpellier reste 12e sur 13. 8 points de retard sur le premier non relégable. Il nous reste plus qu'à s'accrocher. Il reste plus beaucoup de matchs. Il reste quand même 8 matchs, hein, je crois. 8 matchs ? Ouais, 8 points, 8 matchs. Faut le faire. Allez, remontade à la poulet. Prochain match, le 3 février contre Toulon à domicile. Il y aura des doublons aussi, comme au rugby, au futsal, puisque le 31 janvier commence l'Euro de futsal en Slovénie. Premier match pour les Bleus, 31 janvier contre l'Espagne. Donc l'Espagne, je crois me souvenir qu'ils sont vraiment forts. Et 2 février contre Azerbaïdjan. Waterpolo, toujours le repos. Dis-moi pour le waterpolo qui se prennent des vacances. Merci. En plus. Prochain match le 20 janvier entre Montpellier et les premiers, donc Strasbourg. Les Vipers en hockey, ils ont laissé aucune chance donc au Lynx de Valence. qui s'appelle comme ça. C'est pas les supporters de PSG, ça? Non. Et là, c'est, donc, ils s'imposent sur le score de 8-1. Il fallait garder aussi un œil sur, les gars, s'il vous plaît, un œil sur deux rencontres, car Toulouse et Clermont, à 2 points des Vipers, pouvaient encore se faire rattraper. Et c'est arrivé. Clermont s'est incliné devant Roanne et Toulouse s'est incliné devant Villars en prolongation. Ce qui fait que les Vipers réalisent une très bonne opération en passant de la 5e à la 3e place au classement mené donc par Marseille suite à sa victoire sur Chambéry. Tout reste jouable puisqu'il faut être dans les deux premiers. Malgré l'avance assez importante des deux premiers, Chambéry et Marseille. On va y croire. Et il y avait il y avait le X-Trial aussi à l'Arena donc cette semaine à Montpellier. Très rapidement puisque on les a contactés assez souvent, ils n'ont jamais répondu, donc voilà, on va y aller très rapide. Thanks guys. Le spectacle est au rendez-vous à Montpellier. L'Arena a accueilli donc sa deuxième manche des championnats du monde de X-Trial, lancé donc en Vendée le mois dernier. Les meilleurs pilotes de la discipline étaient présents, à commencer par le Catalan Tony Bou, 11 fois sacré champion du monde. En salle donc comme à l'extérieur, le X-Trial demande de l'agilité, précision et équilibre. Les pilotes ont 6 minutes pour réaliser un parcours semé d'obstacles qu'ils découvrent seulement en s'élançant. Le français Benoît Bingaz, membre du top 6 mondial, a échoué en demi-finale. Il y avait 5000 personnes qui ont assisté au show. Donc, petite déception, 5000 personnes, c'est. Ouais, mais encore une fois, manque de communication. On voit pas de flyer, pas d'infos. Il y a un manque de communication sur cet événement là. Moi, j'ai vu un peu de communication, mais j'ai vu surtout des prix assez exorbitants quand même pour le. De l'ordre de 30 à 40. 30 euros minimum, 35 euros je crois minimum. Ouais, donc pas super. Ça commence à être un peu exclusif. Ouais. Pour ramener du monde, c'est plus compliqué. Pour l'espoir montpellierain, c'est fait. On va passer à notre première pause musicale. On est en avance, c'est incroyable. Tout de suite après notre première pause musicale, on accueille donc l'interview de la semaine. C'est Aurélie et Godet avec Romaric et Lumeres qui sont là, qui sont à l'extérieur, qui vont nous rejoindre tout de suite. On va parler sport d'eau. Donc du coup, après cette première pause musicale qui est Wu-Tang Clan. Back in the game, un classique. Back in the game, exactement, tout de suite. Et d'ailleurs, back in the game. Assieds-toi. You know what I'm saying? It's like we come through. Better have your fucking third hour. Shit's about to change now. The employees of the year, yeah, we're back to work. We took time off while other rappers got jerked. Shit's about to change now. It's a shame how things ain't the same, but I'm back in the game now. And as we step in the door, we cause panic. Yep, the usual suspects, we at it. Vet status, yo, in a week with the belt. Few chicks felt your style, now you're feeling yourself. Meet your maker, I dropped you was 8 years old. I got stock in your flow and crops to sharehold. Props with the pros, with cops with dead gold. Got tops in the bowls, too hot to wear clothes. Still me, always having will be. Ill G, it's silly to hate, but feel free. Hey, hear what I say, they gotta pay. And my return is like Christ declared a holiday. Y'all see I'm in the street struggling. Young, dumb, and thuggin', give a fuck about nothing. Stuck at rock bottom, trying to come up on something. Pumping from sundown to sun up, he hustling. Vision my nigga, now get in where you fit in. And see prison as just a high cost of living, the life. Any up, cause if you blow the dice on that OZ, Dorothy ain't going home tonight. That's on A-Tag. Put it on the kids and the white. Been burying my folk ever since they raised the price on the coke. Searching for a quick antidote. More money, more problems to cope. We were at the same table when the chips were checked. A gambling rebel who respects the deck. Just when you thought we would fold our hand. Against all odds, we raised the bet like we changed the plans. It was live on air, but in between station breaks, I was holding the pair and just made the table stakes. Split the demo, put insurance on tapes. A safeguard against the crusaders and capes. If I double down, they say the guards are sharks. If we went against the house, they thought the cards was marked. We draw hit after hit from a royal flush menu, while the dealer promoted the full house venue. A spade in a club with the heart to wear diamonds. The high roller who got credit upon signing. They look puzzled when I shuffle, most of them stunned by the hustle, because the bluff game's your muscle. I'm back in the game now. Cop me some weight now. More people about to eat now. Shit's about to change now. Yeah. Back in the game now. All my niggas in the hood now. Ooh. Better catch up now. Say what? Hey yo, on rainy days I sit back and count ways on how to get rich. Coolin' with a mean ill Jamaican bitch. Banana coat matching with the ratchet. Lil' black weed, sweatpants style. Air Force is actin', jumpin' the six kicks. Lil' Chris talking about the bird. Float through your hood in the mean tents, that's giant. It's like the family that flipped on you for lying. Buried you alive, left your whole crying. We on your floor, look, more dogs. They ain't A either, I hope y'all niggas is on. And when we get there, all my niggas in the mix, yeah. Shalal Lex Diamond got me buying Louis Rich. Yo, people say the Klan was missing since I got dropped off a radio. Overnight, your whole style was bitten in the process. Everybody switched their names like, what you call it? And he fast King James. It was the guards that wrecked that. Soft skin, dark skin bitches. Clarks and Dizzy left the game dizzy. Ooh, got dizzy. That dancey shit slid through. We had to stay hood, cause that's what we been through. RZA came through, mastermind. Got the cash from power, poop the power past the divine. Classical lines, mathematical rhymes. Styles unbearable. Nine niggas with the radical shines. It's Ghost Dini. Every coast need me. We back, motherfucker, that's right. It's the WTC, World Trade Center, Wu-Tang Clan. We brought so much heat that we was giving you tears and shit. I'm back in the game now. Cop me some weight now. All my people about to eat now. Shit's about to change now. Yeah. Back in the game now. All my niggas in the hood now. Ooh. Better catch up now. Shit's about to change now. She's about to change. You striving for perfection. That's what we doing. You understand? So all that little fake shit out there, we know the science on that. We done seen that shit from different angles. You know what I mean? Tell me, when you hear a Beatles record, what thoughts run through your mind? Beauty, sheer beauty. The sounds are so mellow and sweet. And there's Paul and there's John and there's Ringo and there's George. They're all singing. If you know, the Beatles bring joy into the world. The happiness. We forget our cares when we hear Beatles records. De retour sur Sport and Chill. C'était Wu-Tang Clan, Back in the Game. Yes. Donc on est de retour et on va commencer tout de suite avec notre interview chill. Sport and Chill, l'interview. L'interview chill. Je vais commencer auparavant avec quelques résultats du Crêpes de Montpellier qui nous l'ont donné donc tout à l'heure. C'est le résultat du week-end. Pôle Espoir Baseball U13 qui ont gagné contre Béziers. Léa Ivars, je suis désolé si je vais prononcer plein de noms, si je les prononce mal, je suis désolé. Qui est du Pôle Espoir Triathlon qui a fini deuxième du championnat départemental de Cross 34. Le Taekwondo à l'Open International Performance en Alsace a fait 3 médailles d'or. Keis Belassen, Fatima Swedi et Théo Lucien. 2 médailles de bronze, Gian Chaboun et Jaber Mézian. Le Pôle Espoir Gymnastique Rythmique au tournoi de Chambéry a fait une médaille d'or avec Lili Ramonacho, je crois que c'est basque d'après ce que je vois, et 4 médailles d'argent, Stella Piculia, Justine Lavitte, Ambre Razat, Ilona Ovaro et Sonia Utsimova. Voilà, et à noter donc le week-end prochain, si vous voulez aller voir du volleyball, notamment du volleyball espoir, Pôle France Volleyball qui joue à domicile face à Martigues, c'est au Crêpes de Montpellier, au Hall Jacques Chaud. C'est ce samedi à 16h, entrée gratuite. Voilà. Ouais. Comme ça, le sport avec le Krebs, les résultats sont faits. Je vais introduire donc en présentant un peu nos invités d'aujourd'hui. Nous avons donc Aurélie Godet qui a 14 ans, qui fait du wakeboard, wakeboardeuse, est-ce que ça se dit, ou rideuse, ou freeriders, ouais. Je sais pas comment on dit exactement, c'est quoi le. Vas-y, je t'en prie, c'est quoi ton Rideuse. Rideuse, ouais. Ce qui te plaît le plus, mon rideuse. Et donc son préparateur physique, Romaric Linares. Bonsoir. Bonsoir. Préparateur physique notamment au Crêpes aussi de Montpellier, qui est présent notamment au Crêpes aussi. Je fais une petite présentation, tu me dis si je me trompe, hein, j'ai regardé un peu sur internet, notamment sur les sites de wakeboard, tu me dis si je me trompe. Donc 14 ans, championne ou vice-championne de wakeboard. Cable. Oui, c'est ça. Donc cette année en 2017. D'ailleurs, tu as fait les championnats d'Europe en Égypte, déjà des magnifiques pays, ouais. Où tu as fini. Là, je vois que sur le site où tu as fini à 4e, si je me trompe pas, c'est en câble aussi. Tu as fini donc également 3e au FIS l'année dernière, Donc tu étais la plus jeune rider d'ailleurs du FIS en 2015. Donc ce qui n'est pas rien. C'est-à-dire, tu t'as commencé, t'avais 11 ans. 12 ans, ce qui est relativement jeune, hein. Jeune quand même. Donc préparateur physique Romaric, notamment donc spécialiste des sports nautiques, en particulier de l'équipe de France de kitesurf. Ouais, c'est ça. Du pôle espoir voile de Mogio-Carnon. Donc on avait reçu la voileuse Faustine Manès qui était venue cette année. Et préparateur physique donc d'Aurélie, formateur au Krebs également. Très beau site d'ailleurs, je vous conseille d'y aller, c'est LLR. LR préparation physique. Préparation ouais, physique. Rien à voir avec la République hein, du coup. Non, pas la République, non, pas du tout. Si vous avez besoin d'un préparateur physique, voilà, vous savez, Romaric, l'appel est lancé. Première question, donc toute simple, comment tu as découvert le wakeboard, à quel âge? On en parlait donc 12 ans si je me trompe pas. Est-ce que ça t'a plu de suite? Est-ce que c'était un coup de cœur de suite pour ce sport, ou t'en avais déjà entendu parler auparavant? Non, je n'avais jamais entendu parler et je m'étais rendu au FIS. Ouais. Et j'avais regardé et après j'avais vu on pouvait aller essayer. Du coup je suis allée essayer et ça m'a plu. Ça t'a plu de suite de voir ça au FIS? Qu'est-ce qui t'a plu dans ce sport? Les figures, le fait que ça soit un sport d'eau ou... Oui, le fait que ça soit de l'eau, comme glisser sur l'eau et sauter, voilà. C'est vrai qu'il y en a, ils sont spécialisés quand même sur les sports d'eau. Moi, je sais que je pourrais jamais faire un sport d'eau. Ouais, c'est... Après, voilà, j'ai une question. Est-ce que tu as des origines? Enfin, est-ce que tu viens plutôt de... T'as une famille qui vit au bord de l'océan, de la mer? Ou non, c'est quelque chose qui est venu spontanément? Oui, si, mes grands-parents, ils vivent à La Réunion. D'accord. Mon père, il faisait de la planche à voile. Ok, ouais. Okay. Et voilà. Donc ça explique cela, ouais, une petite transition de savoir. Un petit passé familial tout de même. J'ai vu sur le site, là, je suis sur le site Wakeboard Site... Est-ce que tu peux m'expliquer, je sais pas, la différence entre les types, donc câbles ou cable, je sais pas si on prononce en anglais, et features? Je sais pas si c'est... est-ce que c'est... En wakeboard, il y a une différent type ou quoi que ce non, soit? Non, c'est pareil. C'est pareil, c'est... exactement. Oui. Donc le wakeboard, c'est ce qu'on tire par câble, pour ceux qui nous écoutent, qui connaissent pas le wakeboard, un genre de surf qu'on tire ouais, par c'est câble. C'est du ski nautique, mais on est avec une planche, quoi. Voilà, un peu grossièrement, je l'explique. Hein. Moi, je ne connais pas modo. Non plus. J'ai connu grâce au FIS également. Je t'en prie, Dimitri, prochaine question. En fait, j'aurais une question à te poser. J'ai vu que tu as été vice-championne du monde en 2016, c'est bien ça, au Mexique. Je voulais savoir quelle émotion as-tu ressenti à ce moment-là? J'étais contente et... Ouais, juste contente. C'est tout. Au Mexique, c'est pas... C'est quand même... Là, je vois en 2016, bien voyagé, Tel Aviv... Et Mexique, c'est quand même des belles destinations quand même. Ouais, c'est vrai. Est-ce que c'est quelque chose que tu aimes par l'intermédiaire du sport d'aller visiter le monde entier? Ouais, ça c'est l'avantage aussi, ouais. C'est qu'on voyage beaucoup avec ce sport et dans des endroits assez jolis. D'ailleurs, quel est ton meilleur souvenir, ton meilleur contest? C'est bien ça qu'on dit. Moi, c'était en Israël quand on est allé se baigner à la mer Morte. Ouais. Voilà. Je pense que ça va être magnifique là-bas. Bon, voilà, je suppose que tu aimes voyager, ce que j'allais dire. Donc le fait d'être jeune, quand même, est-ce que ça t'intimide un peu ou ça te rend fier d'être jeune quand tu participes à un tournoi ou un contest? Non, c'est pas mal parce qu'on n'est pas beaucoup à être jeune et du coup, ouais. On se défie plus aux grands et... Ouais, c'est vrai que c'est ouais, tu avais peut-être une question. C'est ce que je voulais demander parce que en termes de précocité, c'est même mieux qu'Mbappé presque. Est-ce que c'est quand même c'est peut-être pas unique, merci, mais c'est quand même rare parce que vice-championne à cet âge-là, c'est quand même, j'imagine, impressionnant. J'imagine que ça va pas être juste non plus un cas unique, mais ça doit faire partie des plus jeunes quand même en termes de performance en plus. Ben le c'est sûr que le talent est là, précoce, comme tu l'as si bien dit. Et effectivement, après, il y a beaucoup de sports comme le wake ou peut-être, comparé à des sports beaucoup plus populaires, il va manquer de pratiquants. Mais le fait est que quand on va regarder des championnats du monde, on va regarder le nombre de participants et le nombre de pays qui sont représentés. Et en wakeboard, il y a le nombre de participants quand même suffisant pour vraiment avoir une idée de la performance qui a été réalisée. Et c'est vrai qu'Aurélie, très jeune, elle a du talent, elle a réussi très vite à se confronter à des plus grandes et à les gagner déjà. Qui ont plus d'expérience déjà. Qui ont déjà aussi plus d'expérience. Ouais. Donc là, le talent, il parle, c'est sûr, à cet âge-là, c'est principalement ça, quoi. Ouais. J'aurais une question, vu sa jeunesse et vu que le wakeboard est-il une discipline olympique, vu qu'on a obtenu Paris 2024. On se projette, on va dire, un peu loin, mais... Ouais, mais on verra, elle sera encore assez jeune. Pour voilà, 2024, donc, elle a de la marge encore. Est-ce que ce serait pas... vu que j'ai vu que c'était en 2016 qu'elle est devenue pro. Ouais. Donc, est-ce que c'est pas un rêve? Le wakeboard, ouais, ils ont postulé, je crois. Alors, la Fédé est à fond dessus, c'est sûr. Ouais. Chaque fédération essaie d'avoir sa discipline c'est représentée aux Jeux Olympiques. C'est crédible, ouais. Et après, c'est crédible. Mmh. C'est scène, complètement coup, crédible. Comment? Sur la scène, la Marne, Ben. Alors, faudra savoir quelle discipline est choisie après. Si c'est du bateau, si c'est du câble. Après, ça sera des choses beaucoup plus affinées au sein de la discipline même. Après, moi, c'est Aurélie qui va nous dire, mais c'est vrai que des Jeux Olympiques, je pense que ça fait rêver n'importe quel sportif. Ouais. Paris 2024, devant toute ta famille, ça te fait... C'est vrai que Paris 2024, ça peut faire rêver pour n'importe quel sportif, notamment du sport individuel. T'auras 20 ans. Ouais. T'auras un peu plus d'expérience. Est-ce que tu as un objectif, là on parlait du long terme, à peu près dans 10 ans à peu près, est-ce que tu as un objectif à court terme, savoir cette année ou même l'année prochaine, est-ce que tu as un truc que tu voudrais gagner plus qu'autre chose? Non, pas vraiment. Tu veux tout gagner, c'est ça? Oui. Et est-ce que le FIS de Montpellier, c'est le moment fort de ton année ou pas, ou c'est un tournoi, un contest comme les autres pour toi? Vu que c'est chez toi, du coup... Oui, vu que ça... c'est sûr, c'est chez moi, donc j'ai envie de le gagner. Après, aussi, c'est là où il y a le plus de niveaux, mais c'est pas tout à fait pareil, parce qu'en wakeboard, il y a la catégorie avec tout ce qui est blocage, air tricks et module, enfin kicker. Et là, au FIS, il y a seulement slider et kicker. Et moi, disons que je suis un peu plus expérimentée en blocage. Ouais. Et du coup... Donc, ce qui n'est pas au FIS, du coup. Ouais. Et du coup, c'est un peu... Est-ce que tu peux nous expliquer, justement, ce que c'est la différence entre toutes ces catégories? Parce que nous, on ne connaît pas la différence entre blocage et kicker. Même en break. Kicker, c'est tous les modules qu'ils éjectent en l'air. Ouais. Slider, c'est tout ce qui est rail to rail sur des sliders, quoi. Ouais. Et blocage, c'est tout ce qui est... tu prends une coupe... Et vite, et tu bloques avec les talons, et en fait, avec la tension du câble et le fait que tu bloques dans l'eau, en fait, ça te fait monter en puissance, et après, tu tournes, tu peux faire. Est-ce que c'est plus rapide que les autres catégories, c'est ça ou pas? Ça te donne plus de sensations, peut-être, non? C'est exécuter une figure là sans module, sans saut, sans tremplin, en gros, et elle va avoir cette action freinatrice pour emmagasiner un peu d'énergie. Et puis, comme elle a si bien dit, après, avec la tension du câble qui revient, là elle exécute son saut. En gros, elle est sur l'eau juste et il n'y a pas de module là, c'est les blocages. Justement, des questions un peu plus. Par exemple, quel type de planche tu utilises? À entraînement et en compétition, est-ce que ce sont les mêmes ou bien? Oui, je pars toujours avec 2-3 planches et en fonction... Est-ce qu'il y a des différences entre les planches? Non, il y a juste une différence entre les tailles et l'écartement des choses. Niveau question technique, plus physique pour le préparateur physique, quelles sont les parties du corps qui doivent être... peut-être plus musclé que les autres, ou ça doit être une intégralité? Oui, on peut ressortir deux choses principales quand même qui sont exposées en wake. Il y a beaucoup de réception de saut, donc sur les membres inférieurs, ça va être les genoux. Et là, on a un rapport très étroit avec la traumato, puisque c'est traumatisant de réceptionner de nombreux sauts régulièrement. Et puis quand on fait du haut niveau, on s'entraîne souvent, et puis on fait des compètes souvent. Premièrement, c'est ça qui va être exposé, on va dire, plutôt les genoux, avec un rapport avec la traumato, donc se préparer physiquement pour encaisser tout ça. Et puis l'autre, c'est aussi une articulation en jeu. On va parler peut-être plutôt des épaules, qui sont pas mal sollicitées, puisqu'on est tiré par le câble avec des coups secs parfois après des réceptions de sauts. Et puis comme ils réalisent des figures avec des rotations, on a ce qu'on appelle des handle pass, ils vont faire passer la barre dans le dos. Ah oui. Et on peut réceptionner avec des postures au niveau de l'épaule qui sont pas très confortables, et il faut s'y préparer. Donc les blessures, c'est déjà une première chose à quoi il faut que les wakeboarders se préparent. C'est justement ce que j'avais demandé, est-ce qu'on fréquente dans le wakeboard ou pas les blessures? Oui, pas mal. Ouais, ouais, pas mal. Mais principalement les genoux qui sont exposés. Ouais, parce que maximum, réception de saut, s'il n'est pas plaqué, ou je sais pas, s'il y a une mauvaise réception, ça influe directement sur les genoux et les articulations. Exactement. Et puis le profil de. Elle parlait d'écartement des pieds, bah, ce qu'on appelle leur stance, ils ont un écartement qui est assez important pour avoir de la stabilité, avec une ouverture de pied aussi, pour avoir dans leurs chausses de la stabilité. Mais en fin de compte, c'est une posture qui n'est pas très confortable pour les genoux. Mais on est obligé de faire avec, puisque c'est là où ils arrivent à le mieux s'exprimer, quoi. Et le fait est qu'on fait des réceptions de saut, on a un matériel qui expose avec une certaine posture qui n'est pas très confortable, les articulations dans ce sens-là, quoi. Donc il faut se préparer si on veut faire du haut niveau déjà. Par définition, c'est pas bon pour la santé, le haut niveau. Et donc si on veut en faire longtemps, il faut se préparer physiquement. Et c'est ce que je trouve bien de la part d'Aurélie, c'est que très tôt elle en a eu conscience, son papa aussi, et ils ont fait appel à moi. Okay. Et on parlait du matériel, au niveau du prix, est-ce que c'est un sport qui est cher ou qui est abordable financièrement? Au niveau du matériel notamment, combien ça coûte une planche de wakeboard? Elle saura mieux que moi ça. Moi j'ai l'avantage d'être sponsorisée, mais si j'étais pas sponsorisée, je pourrais pas faire tout ce que je fais là. Parce que rien que les voyages, il faut payer après les avions. Et au niveau du matos, les planches, oui, c'est une belle somme, quoi. Et tout ce qui est combinaison, protection, le casque, la life, tout. Ouais, parce que c'est vrai que faire des voyages en Égypte ou au Mexique, c'est vrai qu'il faut que ça soit financé. T'as un sponsor, plusieurs sponsors pour t'aider. Oui, j'ai plusieurs sponsors et tous en début d'année, de saison, ils me donnent un peu d'argent. Et après, c'est bien. Voilà. Bon, du coup, ils peuvent payer un peu tes voyages et puis tes équipements. Je voulais par exemple, on parlait de la nutrition, par exemple. Qu'est-ce que tu prends au petit-déj, par exemple? Parce que, poissons, hein. Parce qu'il faut que tu fasses attention à ton alimentation. Voilà, par exemple. Non, pas trop. Non, ça va, là-dessus, je peux manger un peu tranquillement. Après, oui, j'essaye quand même... de manger. De toute façon, chez moi, on fait toujours des trucs équilibrés. Oui. Du coup. C'est bien le papa. Le pire aussi. Des plats. Sinon, en tant que préparateur physique, vous avez aussi d'autres personnes qui travaillent avec vous, soit nutritionniste ou psychologue, je sais, le mental aussi. Ouais. Moi, par mon métier, c'est vrai que j'ai nourri un certain réseau maintenant aujourd'hui. Et quand on parle de haut niveau, on essaie de mettre tous les petits détails font la performance. Moi, je m'occupe de la partie physique. Je sais qu'aujourd'hui, je travaille des staffs. Il y a le paramédical qui va être tout ce qui est kiné-ostéo. Mmh. Ça fait un petit moment que c'est quand même intégré dans le haut niveau. Puis maintenant, la préparation mentale prend une part très importante aussi depuis pas mal d'années. Et au final, un vrai staff technique aujourd'hui de sportifs de haut niveau, c'est quand même un ensemble au moins de 4-5 personnes. Donc, je bosse dans les sports nautiques. Donc souvent, je bosse avec des équipes de France ou même avec des sportifs individuels. Soit l'équipe par la fédération à former un peu son staff, ou sinon les sportifs à l'heure d'aujourd'hui eux-mêmes font l'initiative de s'entourer individuellement de ces personnes. Justement sur l'équipement, qu'est-ce que vous apporte le Krebs dans votre préparation, et est-ce que ici vers Montpellier ou notamment dans l'Hérault ou même en France, est-ce qu'il y a des équipements plus spécialisés sur le wakeboard, ou c'est encore assez léger au niveau de ça? Alors moi c'est sur la prépa physique, on a ce qu'il faut. Le Krebs a une super salle bien équipée. Donc là, on va parler de la salle de musculation, par exemple, ouais, où on peut autant travailler le cardio en intérieur que le travail de renforcement musculaire. On a aussi la chance d'avoir eu l'accord de la municipalité de Latte, parce que Aurélie est sur Latte, et pour faciliter l'organisation, parce qu'elle est encore scolarisée, bien sûr, il faut s'organiser. On a aussi, on le remercie, la mairie de Latte, accès à la salle au palais des sports de Latte. Et puis après, là, pour la partie wakeboard, c'est elle qui va vous dire, et oui, c'est pas tout évident. Ouais, est-ce que tu as beaucoup d'équipement de comment dire, on peut appeler ça de matériel. De matériel pour rider à de Montpellier, lieu, surtout, de lieu ouais. Oui, pour m'entraîner, je fais minimum 1h30 jusqu'à 2h30 de route. Ah ouais, et tu vas jusqu'à où, si c'est pas indiscret? Non, Toulouse. Aussi, j'essaie d'aller vers Barcelone. Ouais. C'est vrai que ça fait beaucoup plus loin. Ouais. C'est vrai que ici vers Montpellier, il y a pas grand chose pour non, aller. Vers Montpellier, avant il y avait, et maintenant il en reste un, mais j'ai pas trop le droit. Enfin, je peux y aller, mais bon, j'y vais pas trop parce que c'est des concurrents, mes sponsors. Ah oui, d'accord. je comprends. Du coup, je vais vers Bram. Aussi. Ouais, vers Carcassonne, c'est ça. Ouais. Et tu peux pas mettre un câble sur le lez et puis partir. J'aimerais bien, mais on peut pas. Malheureusement, ouais, on peut pas. Et je sens le fils, quoi, pour ça. Justement, est-ce que tu peux nous raconter un peu une journée type est-ce que tu t'entraînes tous les jours ou Puis avec l'école aussi, surtout. Ouais, voilà. Comment t'arrives à jongler avec l'école? T'es souvent en compétition à l'international. Comment t'arrives à jongler là-dessus? En général, je pars soit le vendredi soir jusqu'au dimanche et je m'entraîne deux jours consécutifs et après je fais mes devoirs soit pendant les heures de permanence et pendant la route. Ça doit faire des grosses semaines quand même. Et du coup en semaine t'as juste de la préparation physique et pas de risque. Moi je parle plus sur une échelle au niveau de l'année. Par exemple en ce moment là, donc en janvier où il fait pas très très beau on va dire, est-ce que tu t'entraînes tout le temps sur l'eau ou c'est surtout du physique pendant l'hiver? Bah, les autres années j'avais vraiment j'avais l'habitude de stopper. Donc de fin novembre à début mars je faisais que de la prépa physique. Et cette année c'est la seule année où là il y a des câbles, ils ouvrent parce qu'il y a des week-ends où il fait beau et du coup ils ouvrent. Et du coup il y a des fois pendant le week-end je vais m'entraîner et sinon je fais toujours la préparation pendant la semaine. Mais c'est vrai que donc en hiver c'est un peu plus tout de même physique que, que au niveau comment dire, pratique au niveau de l'eau. C'est ce genre de sport qui est préférable l'été notamment, non? Vas-y, je t'en prie, une autre question. Et au niveau de la fédération, est-ce que tu as un soutien particulier de la fédération? Est-ce qu'il t'aide sur les déplacements Est-ce qu'il y a une fédération de wakeboard? Oui, est-ce qu'il y a une fédération de wakeboard déjà? Oui, c'est la fédération de ski nautique et de wakeboard. Ils ont rajouté le wakeboard, c'est la fédération de ski nautique. FFSNW. Exactement, c'est ça. Oui, oui, ils ont une délégation quand il y a sur les championnats du monde, championnats d'Europe. Aurélie est partie avec eux, avec l'équipe de France. Elle fait partie de l'équipe de France de wakeboard. Et est-ce que tu sens qu'il y a un vrai développement de ce sport, mais que ce soit la Fédé ou même l'engouement qu'il y a général? Est-ce que tu sens que c'est un sport qui commence à prendre de plus en plus de poids ou... C'est en train, ouais. J'ai partagé cette expérience dans le kitesurf il y a quelques années. J'ai commencé à bosser avec à l'époque c'est la Fédé de voile libre, le kite par exemple, c'était en 2012. Et le haut niveau se structurait tout juste. Donc j'ai déjà eu un peu cette expérience dans le kite. Le wake, ça me fait penser un peu à ça. Le wake est quand même un sport nouveau. Le ski nautique, lui, historiquement, est beaucoup plus ancré. Plus ancien, dans les mœurs de cette fédération. Et le wake est nouveau en tant que nouveau sport, un peu sport de glisse. Au début c'est une image et au début ce sont les riders eux-mêmes qui font vivre l'activité. Et une fois qu'elle est prise par la Fédé, bon ben il y a toujours un temps avant que ça se structure. On est dedans. Bon, moi j'échange avec la Fédé. Après, pour l'instant, ils accompagnent les sportifs seulement sur les compètes. Ils commencent à structurer des stages nationaux de rassemblement. Bon, on est au début. Mais j'espère que ça va se développer, quoi. Est-ce que le fils joue un rôle dans ce développement ou... Ah, je pense. Le fils maintenant, il a une image internationale créée par sa popularité. Ça, un lien direct à la Fédé, du coup non, pas forcément. Mais c'est bien que le wake soit au fils, par exemple, puisque l'événement est quand même conséquent. Et puis comme beaucoup, on a beaucoup découvert grâce au fils. Je connaissais quasiment pas l'existence de ce sport, et c'est vrai que là c'était l'occasion. Et puis ça l'a rendu vraiment très attractif, parce que je pense qu'il est spectaculaire à voir comme sport. Pour le skate. Oui, c'est sûr. Une question pour Aurélie. Est-ce que tu fais d'autres sports qui ont des rapports justement avec le wake, des sports nautiques ou des sports d'eau? Imaginons, est-ce que tu fais peut-être du surf ou d'autres sports, ou c'est vraiment... Que le wake. Que le wake. Non, avant, je faisais du ping-pong et de la natation, du tennis de table. Je fais pas trop bien. Ping-pong sur eau ou pas? Non. Et cette année c'est trop chargé avec la troisième, le brevet et tout, et du coup si je veux faire le wake bien, il faut quand même que j'arrête les autres. Quels sont tes prochains déplacements avec le wakeboard et où t'aimerais bien aller aussi rider? Là, je pars en Thaïlande dans 9 jours. Pas trop mal. J'ai Maître Wake aussi, je crois. Ça coûte bien qu'à ça, non? Malheureusement, non. Ouais. En Thaïlande, donc dans combien de temps, c'est ça? Dans 9 jours. Dans 9... Ouais, pas mal. Et après, j'aimerais bien aller aux Philippines. Ouais, ça va, bon, c'est pas très loin, mais c'est vrai que ça peut être sympa. C'est pas si mal, ouais. Ouais. Et en Chine. Ouais, est-ce qu'il y a des spots plus favorables wake, ouais. De wake ouais, en Philippines, il y a un des meilleurs au monde. Ouais. Et en Chine, juste pour aller en Chine. Ok, ouais, je comprends. Je pense que la température, ça va changer aussi. Vous avez d'autres questions avant que je termine avec la dernière? Oui. As-tu des idoles, des modèles, par exemple? Je sais pas. Que ce soit dans le sport ou dans wake. Ouais, ouais. Ah, non, pas tellement. Ouais. Ok. Plus tard, ça arrivera. Moi, au début, j'ai cité une célébrité en wake ici. Ouais, on en a une maintenant, c'est bon. Voilà, exactement. Ouais. Dernière question, celle que je pose à tous ceux qui viennent nous voir. Si tu avais un jeune qui nous écoute, une fille ou un garçon, hein, peu importe, qui nous écoute actuellement, qu'est-ce que tu lui dirais pour qu'il fasse du wake, pour qu'il ait envie de faire du wakeboard? Bah, je sais pas, moi, après, ça dépend ses goûts, mais il y a l'eau, tu glisses. C'est, tu vas loin, tu voyages. Ouais, voilà, tu voyages. Ouais, en général, c'est ça, dans mon collège, tous ils râlent pour ça. Ah ouais, surtout en hiver. J'étais jamais là. Bon, très bien. Je vous remercie, j'en remercie Aurélie et je te remercie Romaric d'être venu. De nous avoir invité. Belle maturité déjà. Ouais. Merci Romaric. Et puis on suivra avec intérêt, comme d'habitude. On suit un petit peu aussi Faustine Manès, on en a parlé, mais on suivra avec intérêt. Ses prochains voyages. Voilà, l'évolution. Et puis justement, non, c'est surtout. Si elle connaît, c'est moi qui connais Faustine ou qui est passé dans votre émission. Okay. Donc, puis on espère te voir au FIZ, surtout. Et puis en 2024 aussi à Paris. Tant qu'à se projeter. Sur la scène, voilà. Mais exactement. Le wakeboard soit sport olympique. Pour les Montpellierens, le FIZ, ça peut être super sympa. Venez encourager Aurélie, elle sera présente. Oui. Voilà. On aura encore plus engouement. Le message est passé, je vous remercie encore une fois. Merci à vous. Merci le Krebs. Merci à vous. De nous avoir envoyé encore des nouveaux talents. Beau fournisseur. Des belles pépites. On va passer à notre deuxième pause musicale. C'est Gold Link avec le titre Have You Seen That Girl. Clap. Tifa. Feeling good, feeling great. Brown nigga with a leg on the door. Feeling straight. All the drug dealing niggas with their gashes out. Bad hood dance bitches with their asses out. Talking about goddamn, have you seen that girl? Have you seen that girl? I was out Fairmont Heights with the hitters in a little bad joint. Walk by Louis first to the side. Goddamn, shorty, where you from? Where your mama stay? She's at 501, capping with her mama. Stay her X-Man, stay up, get it wild, right on night, please. Shit, baby, I don't care about that anyway. Goddamn, have you seen that girl? Have you seen that girl? I was out walk wallow with the project boys, looking at this little fine ass joint with a French braid, black shades, little attitude, ass wide like a lampshade. Diamond niggas with the gold grill front, Roger bitch with the Louis Vuitton pumps, Georgetown while I take her out to lunch. Talking about, have you seen that girl? Have you seen that girl? I was out Simple City with the bike, niggas talking about man, then a girl walked by. Dark skinned woman with a curve on the size. I need a whole plate of human fries on the side. You can be my little dunk thing for the night, but I ain't about to get you if you ain't about to ride. Talk about why you ask me, have I seen that girl? Have I seen that girl? I was out land over me and nodding on and them. Little model John I knew way back when. She ain't never give me play, so I played a friend. Then she wanna try to holler, then I played the win. Then a homegirl brother tried to fight me and had to head a nigga kiss the bottom of my Nike. Talking about he from Trinidad, so he ripped the 12. I don't give a fuck about just seeing your ass in hell. Talking about goddamn, have you seen that girl? Have you seen that girl? I was out play Terrace River, that I know the guy. Bad white joint, fat ass, hips and thighs. Talking about kill mo, all you do was lie. I ain't lying when I tell you that you're fine as wine. Let me get a little sip, let me get a little bit. Let me grab on your ass, I mean grab you the cat. Talking about goddamn, have you seen that girl? Have you seen that girl? Yeah. De retour sur Sport and Chill. C'était donc Gold Link avec le titre Have You Seen That Girl. On va passer tout de suite à la parole et aux chillers. La parole est aux chillers. On va passer donc, je vais passer à ma gauche, je vais passer à Théo parce que tous les trois autres ils mangent actuellement, donc je vais pas les faire parler de suite. Nous on mange encore de la galette des rois le 15 janvier, ça se fait. C'est encore l'heure. Hein, c'est on est les genres de personnes à dire bonne année encore en février. Donc, on est là, mais on a le droit. Donc Théo c'était... du ski donc et notamment du biathlon, Ole Einar Bjørndalen que tu voulais. Je voulais saluer parce que il sera pas qualifié en raison de ses mauvais résultats, notamment sa 44e place à RuPolding au sprint. Il sera pas qualifié pour les épreuves individuelles. Il peut peut-être espérer une place de remplaçant en relais, mais je crois qu'il sera même pas remplaçant. Voilà, Bjørndalen c'est le représentant principal de son sport. Il a 44 ans. Il remporte, c'est le plus vieux vainqueur d'une médaille d'or olympique. Il a remporté sa médaille à 40 ans. Il a 13 médailles olympiques, dont 9 en or, je crois. Donc vraiment, c'est vraiment la star de la discipline. Vraiment, chapeau l'artiste. Et on aurait bien aimé qu'il fasse une Olympiade de plus. Mais pourquoi cette décision en Norvège, il y a trop d'adversité en Norvège. C'est le pays. Ouais, trop de concurrence. C'est le pays du biathlon. J'allais dire avec la France. Donc, non, il y a trop d'adversité et ils peuvent pas se permettre de le prendre même pour un baroud d'honneur. Ouais, même en reconnaissance, ils auraient pas pu vraiment. Ouais, alors peut-être sur un relais, il pourra peut-être faire quelque chose. Ouais, c'est vrai qu'il est qu'à faire un relais. Mais Bjørndalen, c'était jusqu'à Martin Fourcade, tu vois, le recordman de victoire. Bah, c'est en biathlon, c'est une icône. Voilà, c'est une icône. Il a fait il a skié contre plein de champions français. Ouais, ça aurait été de Fran, Fourcade. Le duel Raphaël Poiré Ole Einar Bjørndalen, c'est ce qui a fait pousser ce sport médiatiquement, c'est ce qui a fait reconnaître ce sport médiatiquement. Et franchement, puis on se souvient du sprint c'était Defran et Bjørndalen à Turin, au JO de Turin. Ouais. Un sprint magnifique que je me rappelle encore pour la victoire. Et c'était Defran qui avait gagné à la fin. Donc ouais, c'est vrai que c'est un peu dommage de voir Bjørndalen qui n'a pas été pris pour les JO, mais bon, en voyant l'adversité qu'il y a ou la concurrence qu'il y a en Norvège, malheureusement, il faut bien entre les deux frères Beu, il y a des petits jeunes qui montent. Ouais, et puis bon, là, voilà, c'est le juge de paix, c'est RuPolding où il fait 44e au sprint. Quand on a vu cette place, c'était déjà presque cuit. Donc non, vraiment. Et puis ça aurait été sa 6e Olympiade quand même. Je crois qu'il a commencé à Lillehammer en 84. Donc ça aurait été le recordman, je pense, des Olympiades, tout sport confondu, été ou hiver. Lillehammer peut-être pas 84, mais 80... bon, parce que 84 c'est Sarajevo. Sarajevo, donc il a 80. Ça aurait été sa 6e Olympiade. Donc voilà, ce qui n'est pas donné à tout le monde. Peut-être à Aurélie plus tard. En tout cas, on lui souhaite. Mais non, mais vraiment, c'est. Ok, comment il s'appelle? C'est Pagas. Merci Pagas. En tout cas, on vous le souhaite. T'es un grand joueur. Non, mais voilà. Chapeau l'artiste et on espère qu'il continuera. Après les Jeux Olympiques, puisque la saison va continuer après les Jeux Olympiques, oui. Et pour lui faire un adieu. Très bien. Alors pourquoi il rit là? Je comprends pas. Il a terminé de manger, donc Tim peut continuer. Bah, ça va compenser, parce que moi ça sera un coup de gueule par contre. Bah, je t'en prie, avec Lucas Pouille. Ouais, voilà, ça va enchaîner sur le tennis. Un coup de gueule sur Lucas Pouille, hein, qui nous a régalé d'un 5e first d'affilée à l'Australian Open. Donc forcément, déjà pour réaliser une telle stat, faut être français, hein, sinon ça marche pas. mais ce que je comprends pas, c'est le contraste entre ses déclarations, son état d'esprit qu'il veut bien faire paraître et ses résultats sur le terrain. Il a quand même déclaré à la Coupe Davis, oui, à la Coupe Davis, j'ai eu un déclic, vraiment mentalement, je me sens plus fort, au niveau de jeu, je sens que j'ai progressé. Je vais balayer tout le monde. Ouais, c'était quasiment, tu vois, c'est le genre de joueur pour sortir. C'est quand même un joueur qui a dit que Roger n'avait rien d'exceptionnel. Donc voilà, c'est quand même un. Faut quand lui, même, c'est sûr qu'il n'y a rien d'exceptionnel. Ah ouais, il a dit ça. Je te jure qu'il a dit ça, je vous retrouver la citation. Edouard c'est Roger Vasselin, c'est ça. Donc je te parlais, c'est pas, ouais. C'est pas le Roger. Hélas, non, confondu. C'était Roger. Et voilà, là, il jouait Bebel Mans, c'était l'occasion un petit peu de lancer sa saison, parce qu'il a fait aucun 250 là, pour faire sa préparation en Australie. Bon, c'est un choix, hein. Mais une nouvelle déception. Et on attend encore de ce joueur qui avait fait des bons résultats l'année dernière, notamment sur. Se remonte un petit peu plus loin son quart qu'il fait à l'US Open, et depuis il n'y a pas forcément de confirmation. J'ai l'impression que ce joueur stagne, qu'il ne progresse plus. Et puis pour peut-être le boulard un peu, non? Ouais. Oui. Le truc, c'est ça le problème. C'est que j'ai l'impression qu'il l'a même presque toujours eu, quoi. J'ai l'impression qu'il n'y a que des Français pour avoir une pastèque comme ça et faire des séries comme ça derrière. Ah, non, attends, regarde, les Australiens. Faire des séries derrière. Les Australiens, on pourrait. Les Australiens, je pense qu'ils ont. Non, mais les séries, les gars, en termes de séries, quand tu parles un peu, il faut envoyer quand même derrière. Non, mais par exemple, Kokkinakis. Lui, ah, tu me parles de tête. Oui, c'était une grosse tête, un espoir. Mais Poul, ouais, 216e c'est... mondial d'ailleurs aujourd'hui. Ouais, voilà. Poul, le problème c'est que ouais, c'est un espoir, et puis comme dit Tim, en termes de tennis, il évolue pas, quoi, le mec. Non, ouais, je vois pas. Trop genre, on le voyait éclore, même moi, je me disais bon, il faut attendre. Je suis quand même ambitieux, parce que c'est le seul quasiment. Alors, de la génération. Il est pas vieux, c'est sûr, mais là, il doit prendre du retard par rapport. Voilà, c'est ça. Il est dans la force de l'âge, par exemple, par rapport à un Carreño Busta, il a un gros décalage. Pour pas citer les autres encore, ils sont encore beaucoup plus loin. Là, ça commence à être inquiétant. Si cette année il continue sur cette série, à mon avis, ça va être trop tard après pour exploser. Ouais, si on veut ressortir une stat, ça fait quand même depuis 10 ans qu'on n'a pas vu un joueur français en finale de Grand Chelem. C'était, ouais. C'était de son gars en 2008. Et lui, pour l'instant, vu le retard qu'il prend, à mon avis, il fera pas mieux que 20e, hein, ou même 15e peut-être. Ouais, juste Flo, juste pour une précision sur Björn Dahlen, donc les JO de Lillehammer c'était en 92, donc t'as raison, je me suis un peu enflammé avec 84, et du coup il avait fait 13 médailles olympiques, 8 en or, 4 en argent, 1 en bronze, donc pour vous dire un peu le palmarès. Et ouais, je sais plus si j'avais dit, je crois que j'avais 44e, mais c'est 42e qui fait Roy Paulding, voilà, et ce qui ne permet pas d'accéder à la sélection norvégienne. Pas si mal. Ok. On passe à notre troisième. Là, c'est un coup de. Ah, c'est pas un coup de com', il y a un coup de gueule. C'est entre les deux, je dirais. Mifig, mais raisin. Trois The Process, comme j'aime à le dire. Trois The Process. Joel Embiid, la naturalisation française ou pas de Joel Embiid, qui a pris de l'ampleur. Le joueur est d'origine camerounaise. Et la semaine dernière, il y a une rencontre à Londres entre les Boston Celtics et les Philadelphia Sixers. Donc c'est du basket, du coup. Et lors de la conférence de presse post-match, il a déclaré qu'il était ouvert à une possible sélection en équipe de France. Qui s'ouvre, hein. Tu t'appelles à Vincent Collet, quoi. Donc déjà il faut voir avec le DTN, monsieur Bisley, qui a déclaré qu'ils avaient déjà pris contact avec le joueur avant qu'il arrive au NBA, c'est le joueur lui-même qui avait fait les démarches déjà, donc ils n'étaient pas encore sûrs. Il semblerait que Boris Dio et Batum, qui sont deux joueurs d'origine aussi d'Africaine, font le forcing pour qu'ils... Tu dis qu'il y avait un problème au niveau de ça, c'est qu'il est particulièrement... Ah oui, c'est un joueur qui utilise beaucoup les réseaux sociaux, Instagram, Twitter, il a dit lui-même, il aime le trash talk, il a essayé aussi de... Bon, on va parler du côté people, il a même fait une annonce pour séduire Rihanna, par exemple, donc c'est un joueur qui est très joueur. D'accord, c'est ce type de joueur-là, quoi. Voilà, très fantasme. Après... Est-ce que avec les médias français, ça va se matcher? Après, sur le terrain, faut signer 10 fois, quoi. On imagine les Twin Towers avec Rudy Gobert. Le jeu, parce que. Je connais pas trop le basket. Il est à quel poste, ce joueur? Il joue où? Pivot, il joue aux Philadelphia Sixers. Et franchement. Okay. Il peut être au poste bas, il s'est tiré à 3 points, c'est vraiment... Ouais, il sait à peu près tout faire quasiment. Ah, tout très complet. Puis il est jeune, quoi, okay. Surtout. Voilà. Oui, puis jeune. Honnêtement, si la France réussit à l'avoir, ce serait bien senti, une très très bonne nouvelle, ouais. Ça redonnerait espoir, quoi. Ok, on va terminer avec notre dernier coup de cœur ou coup de gueule. Je termine par ça parce que je sais que ça va faire parler. Oh oui. On l'a vu hier soir. Tout le monde, ceux qui connaissent le foot, ont vu ça. Même ceux qui connaissent pas le foot d'ailleurs. Oui, ça a eu une tellement implication. C'est l'arbitre, donc Tony Chaperon, qui se fait bousculer pendant le match Nantes PSG involontairement, du joueur nantais. Comment il s'appelait, le joueur nantais? Diego Carlos, défenseur. Et il a eu un geste d'humeur très rapidement après s'être fait bousculer et tomber par terre en essayant de tacler le joueur nantais. De plus, après, il lui a donné un deuxième carton jaune parce qu'il pensait que le joueur nantais l'avait fait volontairement. Ouais, puis il y a peut-être eu des mots après. Qui a pris un rouge. Ouais. Ah, voilà, ouais, exactement. Et, merci, Denis. Et du coup, quel est votre sentiment là-dessus, puisque il y en a qui défendent l'arbitre, il y en a qui défendent le joueur. Quelle est la part de responsabilité de chacun dans ça? Alors, ben moi déjà, c'est un coup de gueule pour en plusieurs parties. Déjà un coup de gueule, évidemment, pour l'acharnement médiatique qu'il y a eu derrière, parce que bon, je pense que c'est quand même inapproprié et démesuré, comme souvent c'est très la génération qui voit ça, même si ça m'a fait rire, bien évidemment, quand je regardais les montages, ça m'a quand même fait doucement rire. Ouais, c'est gentil, tu vois. Quand même, le pauvre, oui, voilà, c'est gentil, mais c'est vrai que tout est dans la démesure. Après, pour moi, c'est l'arbitrage français résumé, quoi. C'est, ouais, dans cette action, il y a un peu tout, quoi, psychologiquement et sur la défensive, dans l'agressivité et dans l'arrogance. Et puis le problème, c'est qu'il n'y a pas de remise en question, tu le vois, apparemment, à la fin du match, il reconnaît pas ses torts. Voilà, j'ai glissé, il te sort des trucs improbables, aucune envie. Il y a que après ça, à froid, on a dû lui dire, ouais, quand même, là, t'es un peu abusé, t'as craqué, excuse-toi, parce que sinon, tu vas charger. C'était Tony Montana, en fait, hier, pas Tony Chaperon. Ah non, mais oui. Non, mais après, concrètement, le problème, c'est que c'est symbolique, c'est... Tu vois que dans cet arbitrage français, il y a non seulement l'incompétence, mais ça on le sait pourquoi, parce qu'il y a un manque de travail sur les arbitres, de professionnalisation, tout ça. Il y a un manque de formation, tout simplement. Mais aussi, le problème, c'est le comportement. C'est le plus grave, en fait, que je regrette. Est-ce que le mec n'a aucune remise en question. Est-ce que ça peut faire un déclic, cet événement? J'espère, parce que s'il y a un truc qui me plaît pas, c'est que certes, le comportement des joueurs est de plus en plus violent, mais ça, ce genre de réaction, il peut y en avoir de temps en temps, parce que... Et puis ça fera pas évoluer le football, ça. Ouais, et tout le monde y perd. Et puis l'exemple, normalement, vient des arbitres. Et là, quand tu vois un arbitre comme ça, aussi arrogant et aussi presque agressif, tu vois, au final, parce qu'il... En y repensant, quand même, elle est incroyable, il a essayé de mettre un chassé, quand même, qu'on soit d'accord. Non, c'est vrai, il glisse, il essaye de nous. Mais tu vois l'image, quand même, faut pas. C'est que l'image, c'est vachement. T'es pas bête, il essaye de mettre à chasser un joueur, quand même. T'imagines, il aurait pu se blesser derrière. Non, mais après, je trouve que les Nantais ont été exemplaires sur cette affaire-là, parce que honnêtement, ça aurait été des joueurs un peu moins. Avec du sang-froid, un peu moins intelligent, ça aurait pu partir de suite au quart de tour. Pour contrebalancer, quand même. Ah ouais, il a très bien réagi. Il y a eu un acharnement, quand même, médiatique un peu fort sur ça, c'est-à-dire que chaque week-end, chaque semaine, les joueurs, même les entraîneurs, même encore les dirigeants, je parle évidemment, vous le savez de lequel, oui. Jean-Michel Aulas, qui mettent la pression, notamment Aulas, qui n'arrête pas de mettre la pression sur les arbitres, de les traiter de n'importe quel nom. Et là, bon, c'est vrai que le comportement, enfin la réaction est. Elle est incroyable. Elle est incroyable. C'est vrai que après, on peut pas des fois. Il a réagi de manière impulsive. Exactement. Il se sent agressé, c'est ça. Après, bon, on sait que Chaperon, c'est pas le meilleur des arbitres. Non, c'est sûr qu'il est mauvais en plus. Mais d'ailleurs, on sait pourquoi on n'a pas d'arbitre français en compétition majeure. Si tu vois. Ouais, c'est le seul. C'est le seul qui surnage. C'est le seul qui surnage. C'est l'exception. Bon, on en a qu'un. On est les plus mauvais en arbitrage. Il faut que les deux parties, en gros, je voulais dire, il faut que les deux parties se jouent au jeu. Ouais, je t'en fais deux. Ouais, il faut fédé et tout. Il faut qu'il y ait des assises entre le football professionnel et les arbitres, quoi. Parce qu'on arrive, on va arriver à un point de non-retour. Je sais pas si vous avez vu le 64e de finale de la Coupe du Lombardella. Il y a un envahissement du terrain, c'était à Saint-Denis. Ah ouais, non, mais là, ouais, il y a un envahissement du terrain, on tape les autres équipes, on tape les arbitres. En Corrèze, ils n'ont pas pu organiser le championnat de district parce que les arbitres ne voulaient pas jouer, parce qu'ils se prennent des coups chaque match. C'est chaud, ouais. On arrive à un stade où, déjà, au niveau du foot amateur, ça devient compliqué d'arbitrer. Alors, si au professionnel, ça donne pas l'exemple. Alors, on va arriver à un point de non-retour, parce que tout va s'écrouler. C'est bête à dire, mais s'il n'y a pas d'arbitre, il n'y a pas de match. Ah, mais ça, c'est sûr. Après, comme tu dis, tu as très bien raison de le dire, c'est qu'il faut prendre parti que l'arbitre fait partie du match, quoi. Ouais. C'est une composante indispensable du match. Et le problème, c'est qu'on n'a pas l'impression qu'ils en font partie. Parce qu'ils mettent une telle distance et un tel froid entre tout ce que eux tu critiques, et les joueurs, c'est l'arrogance faite des t'as l'impression qu'ils sont arrogants, tu sais, qu'ils se mettent en décalage, ils font pas partie du jeu. Donc du coup, ben voilà, effectivement, on va de suite les attaquer parce qu'on a l'impression qu'ils font pas partie du jeu, parce qu'ils sont arrogants, ils sont distants. Mais ça, c'est au niveau de la direction de l'arbitrage qui doivent se remettre totalement en cause. Les arbitres doivent venir parler aux télé à la fin du match. Communiquer, communiquer. C'est vrai. Remettre, comme on dit, remettre un lien avec le téléspectateur, mais aussi avec les équipes. Quoi, voilà. Et dire, écoutez, j'ai monsieur Aulas, tu le citais, ou monsieur X Romagné, ou j'en sais rien, qui sont venus dans mon vestiaire pour mettre la pression, je trouve pas ça normal. Voilà, il pose ça comme ça. Okay, et après, lui, il explique ses décisions. Il dit, écoutez, moi, à vitesse réelle, je vois qu'il y a faute, j'ai tort. Bien sûr. Voilà. Ouais, et voilà, déjà, et ce qui arrive très rarement, quoi, qu'un arbitre reconnaisse ses torts. Mais c'est... parce que les directives au niveau national, c'est de on ne parle à personne. Si on protège c'est le corps arbitral, comme si c'était une sphère. Dans la Tour d'Ivoire. Une sphère, c'est ça, une Tour d'Ivoire. Et mais... ça, il faut remettre les articles, comme tu le dis, au cœur du jeu. Quoi. Et faut qu'ils viennent parler aux télés. Parce que, oui, comme on dit, moi, on est tous supporters d'une équipe, on regarde le foot avec intensité. Un mec qui me dit voilà, j'ai mis rouge parce que voilà, je pense que le geste est très dangereux sur le coup. Je vois pas bien l'image. Il est venu contre moi. Je me suis senti oppressé. Là, je peux comprendre, tu vois, qu'il est sorti en rouge, peut-être trop rapide et tout. Mais qu'il soit arrogant quand il met le rouge et qui derrière démord pas et dit voilà, non, je me suis jamais excusé comme trompé, quoi, j'aurais pu m'être trompé, tout ça. Du coup, ça te met encore en plus dans la créativité. Ouais, ça creuse un fossé qui est malsain et qui, voilà, comme aujourd'hui, bah, tu t'acharnes alors que bon, certes, il y a eu un geste qui est complètement déplacé. Mais elle n'a pas non plus le pleudette, quoi. On n'a pas non plus le pendre en place publique parce que. Ouais, voilà. Et aussi au niveau des médias. Au niveau des médias, il faut de la mesure. Quand on dit, voilà, c'est scandaleux, il n'a pas sifflé hors jeu. Attends, mais le hors-jeu, tu le vois au révélateur. Oui, c'est très difficile aussi. C'est très difficile. Attends, les mecs, ils sont sur le terrain, ils courent comme les joueurs, hein, ils font des kilomètres aussi, les arbitres. C'est ils que tous les acteurs fassent un effort. Ils ne voient pas forcément tout. Ça, donc, c'est sûr. Que tous les acteurs se réunissent. C'est vrai. Que tous les acteurs se réunissent et qu'ils disent bon ok voilà on se calme parce que là on va arriver à un stade où il y aura plus de dialogue, il y aura plus de foot quoi. Voilà, mais comme je dis, faut t'avouer mon petit pardonné, si tu vois la lucidité et la compréhension d'une éventuelle erreur, ben on sera beaucoup plus indulgent, ça c'est sûr. Exactement. OK. Très bien. Bon, on termine sur cette citation de Guillaume. Merci. On va passer plus belle, hein. Tout de suite à notre quiz, jingle quiz. Ouais, sport and chill, le quiz. Alors le quiz, peut-être petite musique de parfait. Oh, oui. Ah oui. Je mets le casque très efficace. Je fais un petit sourire à Tom quand il me la lance. Là, ce n'est pas lui. Mais bon, il a le même feeling. Sans la musique, moi j'arrive pas. C'est douteux ce que j'ai dit. Ouais. Alors, première question. Tour de table. Je vais mettre mes points là. Tour de table, ça va être sur du football. Manchester City donc a chuté à Liverpool 4-3. Mais depuis combien de matchs les Citizens étaient invaincus en Première Ligue? Que Première Ligue, ouais. En Première Ligue, ouais. Je t'en prie, Tim, ouais, comment? 30. 30 matchs. 33. Moi, je dirais 27. 27. Godzilla qui vient d'arriver. 15. Pile 30 matchs égal. Oh oui, je suis la date, hein. Avril 2017. Avril 2016, pardon. Ah, tu l'avais fini quand même là. Il avait calculé par rapport à la date. Il est malin comme ça. Ouais, il est bon. Deuxième question. Il y a beaucoup de questions citations ce soir. Qui a dit, donc rapidité, j'ai perdu. C'est le bilan du match. C'est une bonne expérience. C'était une bonne expérience. Enfin, je ne savais pas que c'était une expérience parce que je ne viens pas ici en touriste. Je me suis entraîné pour jouer ces matchs-là et pour tout faire pour les gagner. C'est une déception forcément d'avoir perdu. Les matchs en 5-7 sont longs. Poule. Il est sorti vainqueur et je suis un peu déçu du résultat. Monsieur, tentative de fraude là. Je vous dis que c'est pas un match en 5-7, d'après ce que je me rappelle. Mais il a dit les matchs en 5-5 sont longs. Ouais. Il est sorti vainqueur et je suis un peu déçu de ce résultat. Un joueur qui a perdu donc aujourd'hui ou dans cette nuit. Voilà. Ouais. Pouille ? Non. Non. Ouais, non, c'est pas Pouille, mais. C'est une première expérience pour lui. Ah mince, ok. C'est pas Corentin Moutet ? Corentin Moutet, exactement. Oh, ouais. Corentin Moutet, le tennisman français, donc l'espoir. Mais franchement, bravo à lui, parce que je pensais jamais qu'il aurait pu prendre un set à Andreas Lippi, qui est quand même un joueur solide, bon, en fin de carrière, mais. Expérience, ouais. Costaud, c'est jeune, Corentin Moutet. C'est la question. Donc ouais, il jouait sa première, son premier grand chelem. Franchement, c'est remarquable d'avoir pris un set. Enfin, bravo à lui. Voilà. Rapidité, football. En marquant un doublé face à Everton, Harry Kane est devenu meilleur buteur de l'histoire de Tottenham avec 98 buts. Il a dépassé quel joueur? Pas des bailleurs. Pas Bale. Let's Ferdinand. Non. Non, non, non. C'est pas un anglais? Ouais, je vais dire une connerie, je pense. Mais moi aussi, ouais. Non. Oh là là. Jamais de faux. Non, du temps proposé. Let's Ferdinand. Emileski. Non. Oh, les belles, celles-là. Oh, les belles, celles-là, ouais, en effet. Il est. Il a joué dans l'un des plus grands clubs anglais. Bale ouais. Non. Non. Puis à Tottenham, forcément. Puis à West Ham. Puis à Portsmouth, à Colchester. Ah. Il jouait au poste d'attaquant, forcément. Oui. Il a actuellement 51 ans. Ah oui. Bon, donc il a arrêté depuis un petit moment. Ouais. Bonne vingtaine d'années. Il est connu puisqu'il a marqué un but en finale de Ligue des Champions face au Bayern Munich. Sheringham. Bien joué ça. Oh, quelle mémoire. Pas mal, bien joué. Ah, wesh. Teddy Sheringham, donc pour Dimitri. Superbe. Qui a dit, rapidisé, à mes yeux, on parle d'une insulte qui est entrée dans le langage commun. Bastaro. À aucun moment, Mathieu Bastaro n'a voulu juger l'orientation. Boudjelal. Aucun moment, Mathieu Bastaro n'a voulu jouer l'orientation sexuelle du joueur en question. Comme il m'arrive de traiter quelqu'un de fils de je ne connais généralement pas sa mère. Mourad Boudjelal sur l'éventuelle sanction de Mathieu Bastaro qui avait insulté un joueur de bon vous savez quoi son orientation sexuelle. Fils de femme de joueur. Non c'était pas celle-là. Son orientation sexuelle d'un des joueurs. Ah bon bref c'est un propos mal placé. Il y va fort Boudjelal ce qu'il a dit je crains les mormons de la fédération. La commission de discipline. Après c'est pas toujours le plus fin. Toujours à dire quelque chose. C'est du coup, toujours a dit quelque chose. Intéressant quand même. Qui suis-je ? Là, c'est un petit peu différent. Rapidité. Hein. J'ai déjà manqué 6 matchs cette saison et c'est sans même compter les 4 ou 5 rencontres que j'ai quittées en cours de jeu, parfois très, très prématurément. Superstar de mon équipe, j'ai connu tellement de blessures depuis l'arrivée en NBA en 2012 que chaque nouveau pépin physique provoque l'agacement. Il n'y a même plus d'effet de surprise. Comme si miser sur lui revenait à accepter. Dequoz. Ouais, ce que j'allais dire aussi. Comme si miser sur lui revenait à accepter de miser sur un basketteur absent une quinzaine de matchs chaque année. Isaiah Thomas. Griffin. T'as dit quoi moi j'entends pas trop. Isaiah Thomas ouais. Non. Griffin. Non. Il n'a jamais effectué une saison complète. Il a raté Jabari Parker. 81 matchs, une campagne entière de perdu. Cependant, cette nuit, je signe pour la 5e fois de ma carrière un match avec plus de 45 points et plus de 15 rebonds. Je mène ainsi mon équipe des Pelicans. Anthony Davis. Je mène ainsi mon équipe des Pelicans à une victoire contre les Knicks cette nuit. Je suis Anthony Davis qui a fait parler son talent face aux New York Knicks cette nuit. Victoire des New Orleans. J'adore ce joueur. 123 à 118. C'est mon autre sourcil. Cinquième fois qu'il y a plus de 45 points et plus de 15 rebonds dans un match. Ça contraste tellement à ce que t'as dit avant. J'avais lu sur l'article, je crois, de Eurosport que par exemple Shaquille O'Neal avait fait 8 fois ça dans sa carrière. Et lui est déjà à 5 fois. C'est énorme. Après, voilà, faut pas qu'il se blesse. Donc, pas pour Dimitri. Il vous jouera jamais quoi. Rapidité. Surtout que j'ai vu que vous le savez ça. Ça va être très rapide. Raphaël Nadal a député l'Australian Open ce matin par une victoire nette et sans bavure. Quel est le point commun entre ce match et l'US Open 2008? Même non, c'est pas plus de 3 jeux. Ouais, c'est ça. Il a pas plus de 3 jeux. Le temps. Oui, ça, il a gagné le débardeur. Le débardeur. Il a remis son débardeur sans manche. Bon, du coup, un débardeur. Qui n'avait pas mis depuis ce match. Elle est dégueulasse, cette tenue, faut le dire. Ah ouais, Christina Cordula qui se retourne. Non, mon chéri. Bon pique-nique. Rapidité. Qui a dit ? Ça devait être un choc pour Anthony Joshua. Il y a quelques mois, je l'ai entendu dire. Pourquoi je devrais être inquiété par ce petit gars de Nouvelle-Zélande ? Eh bien, maintenant, il va le comprendre pourquoi. Parker ? Joseph Parker. Et le monde de la boxe va savoir si AG peut vraiment prendre des coups. Joseph Parker, prochain adversaire d'Anthony Joshua le 31 mars. Un combat dont le vainqueur détiendra toutes les ceintures de poids lourd. Ça se jouera au stade de Cardiff, donc devant 75 000 spectateurs. Mais Wilder a une de ceinture aussi. Point pour Guillaume. Merci. Bon, c'est le seul que je voulais prendre. Rapidité. Ça va être très rapide, je pense. Qui a dit ? C'est un gag. Toute l'Europe rigole. Kita. Diego Carlos. Non, Valdemar Kita. Valdemar Kita. Ah, il a dit avant. J'ai reçu 20 SMS du monde entier. Que voulez-vous que je vous dise ? Si je dis trop de choses, je vais me faire convoquer par la commission d'éthique. C'est ce qui est pas faux. Valdemar Kita, entraîneur du FC Nantes suite à l'affaire Chaperon. Ah, t'as été plus rapide. Il y a quand même eu un tweet de Iker Casillas. A priori, Iker Casillas, la Ligue 1, je pense Il a une cœur aussi. Qui suis-je ? Tout le monde s'en aimait. Rapidité. Star montante de mon sport. J'ai décroché ma qualification pour les JO 2018 ce week-end en dominant samedi l'étape du Coupe du Monde de Halfpipe de Snowmass. Je suis double champion olympique 2006-2010 et j'ai été crédité d'un score de 100 points, soit le score parfait, lors de mon troisième et dernier run de ma finale. Je suis américain, qui suis-je ? Bah là, par Sean White, moi j'ai pas. Hein. Ouais, il y a Sean White. C'est Sean White. Oh, oh, yes oh, oh, c'est bien. Oh, le hold up. Il le tente comme ça en haut. Ah, non, mais c'est pas possible ça. C'est le seul que je connaissais en ce moment. Sean White qui est qualifié donc pour les JO 2018. Balle. Ouais. Elle est le teint qui lui colle à la peau. Dernière question, sauf si Dimitri marque le point, auquel cas je ferai une dernière question éliminatrice, on va dire. Qui a dit, rapidité, j'ai l'impression de gagner en maturité en ce moment. Tim. Dominique. Je veux en finir avec les montagnes russes. L'an dernier, il y a eu des moments où j'ai vraiment été très bon. Et d'autres où j'ai vraiment été mauvais. J'ai besoin de comprendre que la saison est très longue et qu'il faut être performant tout le temps. Je me souviens quand je suis arrivé sur le circuit en grand chelem, j'ai profité de tout, je me baladais, j'allais au café, etc. Père. Maintenant, c'est mon sac de tennis sur le dos et rien d'autre. J'ai dit Simon. Père, non ? Non, c'est pas Pouille. Hein. Non. Ça doit être un revanchard, ça. Sinon, on en a parlé. On a parlé. Chapeau Balof. Quoi ? Kokinakis ? Non, on l'a cité. On l'a cité. Troulev ? Kyrgios. Kyrgios. Ah, Nick Kyrgios qui joue donc gros devant son public à l'Australian Open. Ouais. Je suis vraiment curieux de savoir ce qu'il y a. C'est maintenant. Ouais. Voilà. Donc it's victoire time. De Team. Et 4 bah, points. Assez Dimitri mieux. 3 premiers. Théo 2 également. 10 derniers comme d'hab. Quoi. On reprend les bonnes habitudes. Bonnes habitudes pour le 2018, hein, Guillaume. Je continue. Pourtant, question NBA, question box, question tennis, question foot. Mais bon, après, il n'y a pas une question cyclisme, pourtant. Ouais, c'est là où je perds peut-être. Ah bah ça a pas repris encore. Ah si, t'aurais pu poser Pauline Ferrand-Prévot qui a gagné les championnats de France. Voilà. Agenda de la semaine. Il y a des matchs cette semaine en Copa del Rey. C'est donc quart de finale de Copa del Rey, Coupe d'Espagne, Atlético Séville, Valence, Alaves, Espagnol, Barça. Ça sera mercredi et jeudi. Le Real affrontera Leganés à l'extérieur. FA Cup aussi, il y a donc je crois que Mioda, FA Cup il y a cette semaine, oui. 16ème de finale Chelsea-Norwich entre ah parenthèses, oui, okay, parce qu'il n'y a pas de gros match en FA Cup notamment. Et Ligue 1 aussi, il y a des matchs donc demain OM Strasbourg. J'ai la chance d'avoir un ami qui a gagné des places et qui me les a passées pour y aller. Ça va, bon, ouais, oh, et pas, pas n'importe où, en loge, monsieur. Oh, c'est il va pouvoir avoir Dimitri Liénard. Là, ça ne rigole plus. Ah, mais limite, dommage d'aller en loge. Donc, je remercie Christophe d'avoir gagné un tournoi Winamax Poker pour avoir donné ses places. Bravo, Chris. Merci à Christophe. Futur Mondia. Superbe. Il y a un autre match aussi, Monaco-Nice, le derby. Merci, Malos. Et donc, mercredi, Amiens, Montpellier, Guingamp, Lyon ou encore PSG, Dijon. Ce week-end. Metz Saint-Etienne aussi pour les puristes. Oui, ouais. Metz Saint-Etienne pour les puristes. Un bon nul hein, qui arrive. Celui-là, le sens. En pleine semaine, il fait mal. En Ligue 1, ce week-end, c'est Montpellier qui reçoit Toulouse dans le derby Occitanie. Nantes, Bordeaux, ça sera samedi. Et dimanche, Nice, Saint-Etienne, Monaco, Metz, Metz. Et Lyon-Paris. C'est comme ça qu'il faut le prononcer. Ouais, et Lyon-Paris pour dimanche soir. Ah, sympa ça par contre. J'espère et que c'est pronom. À l'étranger, ce week-end, je n'ai noté qu'un match. Alors vous me direz s'il y a d'autres choses, mais j'ai noté que dimanche, Inter contre Roma. Après, je n'ai rien vu de gros. Moi non plus. Dans les autres. Ouais, il me semble qu'en Angleterre, il n'y a pas tellement de grosses affiches non plus. Ouais. J'ai regardé vraiment pas grand chose. Rugby, bah, c'est la dernière journée de Champions Cup. Bah, du coup, on va retenir le MHR. Qui va recevoir le Leinster pour l'exploit, hein, pour on sait pas le miracle. Clermont contre les Ospreys, qui reçoit les Ospreys au Michelin. Allez, Leinster Racing, Wasp Ulster ou encore Scarlett RC Toulon. Ok, au handball, donc championnat d'Europe, on continue les phases de poule. Mardi, France, donc demain, France-Bélarus, Croatie-Suède. Mercredi, Allemagne-Macédoine, Espagne-Danemark, qui sera l'un de nos pronostics, donc Espagne-Danemark au handball, qui est un gros, très gros match au handball. Ouais, évident, et Monténégro-Slovénie. Phase finale dès jeudi. Basket donc, NBA game. Basket, on a jeudi, on a un duel entre Outsiders, si on peut dire, entre les Wolves et les Rockets. On a le vendredi derrière, on a un petit Spurs Raptors qui est plutôt sympa aussi. Ah oui. Et puis on a une belle soirée aussi le samedi avec un duel au sommet entre les Warriors et les Rockets et puis les Raptors et les Wolves. Donc une soirée de samedi très intéressante. Une petite précision, ce soir, Martin Tierkinde aujourd'hui, donc il y a Cavaliers contre Warriors ce soir. Et Cavaliers contre les Warriors ce soir, donc au Martin Luther King. Oui, j'ai oublié. Et puis les Warriors qui aura en plus aussi en fin de semaine aussi le Thunder aussi à jouer. Donc une grosse semaine pour Eux. Ski alpin, donc chez les femmes, la descente samedi et la super G dimanche à Cortina d'Ampezzo en Italie. Ouais. Et chez les hommes, super G vendredi, descente samedi et slalom dimanche. On en parlait tout à l'heure, à Kitzbühel. À Kitzbühel, voilà, on cherchait le nom. Biathlon, fameuse, hein. Superbe course. Dernier week-end de compétition au biathlon avant les Jeux Olympiques. Donc, ouais, important. Très important, oui. Donc, les Jeux Olympiques, je vous rappelle, ça commence le 10 février. À Antols. Et là, ça sera à Antols, en Terre Selva, pour ce week-end. Tennis. Tennis. Alors, chez les femmes, on a un superbe Alep contre Ayava. On a un magnifique Vesnina contre Jaber et McHale contre Saznovic. Ouais, j'arrête les conneries. Ouais. non, s'il y a un match à retenir cette nuit, c'est Eugénie Bouchard contre Océane Dodin. Je mets une petite piécette sur la française. Ouais, Eugénie Bouchard. Ouais. À part mettre des photos sur Instagram, je pense que ouais, son voilà, talent. C'est exactement ce que j'ai meilleur pour ça. Exactement. Il y a l'entrée en matière de Vekic, Kerber et Sharapova. Chez les hommes, d'intéressant, j'ai Tiafoe contre Del Potro, la petite pépite américaine. Donc ça va être un match assez intéressant. J'ai Berdych contre une autre pépite australienne, c'est Demi-Nord. Je sais pas si Berdych va passer, j'ai un petit doute. Et après, il y a les entrées en matière de Monfils, Chardy, Wawrinka, les Fras Verref. Et bien sûr, Djoko, Raonic, Goffin, Gasquet et Roger. Ok, donc si vous êtes insomniaque, ça sera à partir d'une heure du matin. Voilà. Mais s'il y a un match à regarder, moi je vous conseillerais de regarder Tiafoe contre Del Potro. Ok, donc c'est la vie. C'est un avis subjectif après, voilà. Non, mais tout à fait. Autre sport, est-ce qu'il y a quelque chose d'autre? Ouais, moi j'ai du ski de fond, on en a pas parlé. On en est désolé, mais on en parlera la prochaine fois. C'est à Planitza. Il y a donc le sprint messieurs et dames, et après ça va enchaîner avec les classiques. Tranquille avant les JO. Okay. Voilà, en Slovénie. Et moi en basket, en boxe décidément. On a Errol Spence contre Adrien Brunner, le revanchard, donc en titre IBF des poids Walter. Et puis, comme tu as dit, l'officialisation d'un duel intéressant pour une ceinture supplémentaire pour Joshua en mars. Et le mars, ouais. Le mois de mars sera intéressant pour les poids lourds, puisque Wilder aussi devrait combattre au début du mois contre le Cubain Ortiz, qui est très bien classé aussi chez les lourds. Et donc, à l'issue de ces deux combats, si les deux favori l'emporte, Joshua devrait aller chercher la dernière certificulement, que la plus prestigieuse, la WBC contre Wilder. On espère sur la fin d'année. On espère. En tout cas, c'est un choc qui va avoir lieu très bientôt. On l'espère dès cette année, parce que tous les fans de boxe attendent un gros duel de poids lourd, et ça devrait être le cas cette année. Ça devrait être un gros match. Ah oui, en termes de style, en termes de côté spectaculaire, les deux ont palmarès très solide, un ratio de KO important, et puis invaincu, donc les styles en plus sont assez différents, donc c'est vraiment un combat en poids lourd. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu un si beau. Mais si les deux l'emportent au mois de mars, c'est en gros c'est hypothétique, quoi, ils confirment leur duel. C'est le combat que tout le monde a envie de voir très bientôt, parce que c'est les deux meilleurs en ce moment. Très bien. On va passer au pronostic. Juste Dimitri avait marqué un point l'info dernière, du coup, puisqu'il a parié la victoire de Liverpool, ce qui fait qu'au classement, Théo est toujours premier avec 7 points. Okay. Yacine, Dimitri, 6 points. Guillaume et moi, 4. Les autres, tout le monde, je suis à pas 3 dernier, points. Là. Ouais, voilà. Déjà. C'est parce qu'on est souvent là, mais on a quand même 4 points. J'osais pas dire la stat. On a quand même 4 points, mais on est tout le temps là. Le ratio n'est pas incroyable. Enfin, surtout moi. Comme celui de Ronaldo en ce moment. Donc les deux pronostics de la semaine, ça sera Espagne-Danemark au Hand, comme je vous l'avais dit, et OL-PSG. Voilà. Ah, quand même. Donc je vais commencer avec Dimitri, tu nous commences sur Espagne-Danemark. Je vais dire, allez, juste le vainqueur, ou juste le vainqueur, s'il y a vainqueur. Espagne. Espagne. Théo. Ah non, le Danemark. Danemark. Espagne. La Grinta. Je vais dire l'Espagne aussi. Et moi, je vais dire aussi le Danemark. Je vais prendre. OL-PSG, on va commencer de l'autre côté. Surtout par un supporter lyonnais, on va commencer par là. Je vais dire. Être objectif. Je vais dire nul, mais. OL-PSG. Nul, mais quoi. Nul, mais. Nul, donc, mais. Je mets combien alors? Nul. quel score exact? Ah, le score il y aura des buts, hein, forcément. 0-0. Mec. Mec est cohérent, tu sais. Bon, je vais dire partout. Ah, putain, partout. J'allais le dire. Yes. Bah, pareil. C'était le score que j'avais en tête. Ok. Pas pour trop compliqué, tu sais. Ouais, le PSG. Bon, allez, 2-1 pour le PSG. 2-1 pour le PSG. Probable, hélas. Oui, probable. J'ai dit que celui-là. Troin, vous parlez, oui, parce que Cavani, c'est tout. Et moi, je dirais, je sens bien Lyon. Allez, 1-0 pour Lyon. Ah, parce que Cavani, c'est tout. Oula. Je sens que Flo, il va nous porter chance. Ça, je sais. Attention, ils font un sale nul là sur leur dernier match. Mariano, il va revenir. Justement, c'est souvent comme ça que Lyon réagit. Dans les gros matchs comme ça. Au contraire. Pas le pronostic de Metz Saint-Etienne quand même. Tu une affiche. Non, non, non. Par ici, un but de Nolan Roux. Romain qui nous dit Danemark et 2-1 pour le PSG. Donc lui, il commence à sucer le PSG celui-là. Pourtant, il vient Lyon. Il veut se faire greffer vers la capitale. Comme ça, chambre. Il veut la promotion. Romain qui reviendra peut-être la semaine prochaine. On m'a annoncé dans l'oreiller son comeback. Il a fini les courses, Vénard. Ouais. Donc on va pouvoir un peu écouter sa douce voix. On le salue. Bon, si courte. On fait pas de leçon de la semaine. Je suis désolé, je n'ai pas trouvé de son de la semaine. Pas d'inspi, quoi. Du coup, on va faire juste une pause musicale pour terminer. Et c'est donc ça sera le titre ASM on the Rise. Là, je fais mes petits remerciements pour la fin. Monaco. Bah, je sais pas. Je sais pas exactement. Mais c'est ASM, donc voilà. Un petit remerciement donc à ceux qui nous ont écoutés ce soir. Évidemment, aux Crèves de Montpellier pour nous avoir ramené Aurélie ainsi que Romaric ce soir pour parler wakeboard. Et à mes chroniqueurs ce soir d'être venus. À la régie, toi. Merci à la régie, merci à toi. Merci à toi pour l'arbitre. Et à la régie aussi, évidemment. On se retrouve donc. Notre Clément Turpin. Notre Tony Chapman, plutôt. Ouais, notre Clément Turpin. J'ai pensé à faire ça. Ouais, je suis dur. Je sais pas si je le prends bien ou pas, tu vois. Bah, tacle-moi, tu verras. Moi, tu tireras la Coupe du Monde, c'est pas vrai. Ouais, on va dire ça. Donc, on termine sur le ASM, le titre Under Rise. À la semaine prochaine, 19h-21h, sur Radio Campus Montpellier. Salut. Salut. Ciao. Big fader once slew the cyclops. FP the swords raised the might drop. Lovecraft the mystic, the Shylock. The mind's back, the bars raised out the eye shot. Ha! Swarms are brewing. The tide is high. And the mind is on the rise. Serial killers with the boom back. Suit up for the soundboy. Burial by the moonlight. And the mind is on the rise. Far from the crew of a brouhaha. I'm a tune, here come a new style. Let the suit brawl in the groove. There's no time to move when the funk cool hits you in the jaw. Well, the following segment affects your rectum. I beckon the last survivors in your spectrum. Mr. Green, perfect the lesson. How to strap a man and guillotine. To blow the shit to smithereens. Philippine cuisine. And then I intervene to spill the friggin' beans. Sweeter than the milk and three in a bill of tea. And he's a free while Lilith sits the beat for me on these machines. Wow, there's a world of beast. And all the children at the feast gather round. Subliminal beats now abound. Around and around from that honk to that tonk. The funk that's for dawn. Make sure the shit kicks like a dog. EY. Otherwise, mule. Otherwise block daddy cop from the brother Abdul. Stay in school and don't dare drool in my pool or act a fool, baby pop be cool. Crew settlement, new residents. Drawing the water from the niggas in the sediment. Keeping the pipes hot before the pipe drop. Beast craft the gold, cold as an ice block. Big fade, once slew the cyclops. FP, the swords raised, the mic drop. Lovecraft, the mystic, the Shylock. The mind's back, the boss raised out the ice shot. The mind's back, going bad shit, crazy. If y'all crave that plastic rap, kids, stay away. One, two, how we pass it, Mr. Jip, space delay. We stack hits upon hits, this is banging number one away. Ha. Cryptic syllables intuitively formulate. To seduce the rhythm track to fornicate. Bad fish slash jazz fascist slash activist turn cynical bastard. Like we dig in the path for true miracles and break through physical barriers. Through spiritual theatrics and lyrical gymnastics. But no one grasped it, the jade amulet. Smashed it, after laughter passes come tears. Plus you gotta pay the puppeteer, yeah. Tuck it in your rear, yeah. Fucking buccaneer, what you got stuck in there? Suck a nigga, fuck a deer. Three musketeers. Straight thuggin' when we shove it in your monkey ears. And let's get something clear. Many men talk the talk and speak to be cool. But none of them fools can do what we do. Long distance, storms are brewing. The tide is high. And the mind is on the rise. Serial killers with the boom back. Suit up for the soundboy. Very old by the moonlight. And the mind is on the rise. Big face. Cyclops. FP, the sword's razor might drop. Lovecraft, the mystic, the Shylock. The mind's back, the bars raised out the eye shot.